Gérard, l'animateur, le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-en. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions bonnes. Gérard, les débats de Gérard. Fun Radio. Voilà, les débats de Gérard avec Gérard qui est dans le coin. Gérard, une fois, Gérard, deux fois. Gérard, trois fois, va-t-il comprendre? Faut allumer le micro, Gérard. Voilà, dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ah. Super. Bah, vas-y, on quille, hein, c'est ton débat. Et voilà, donc, elle est où le jingle? Non. Je viens de le mettre, Gérard, je viens de le mettre. Ouais, je l'ai même pas entendu. Tu veux que je le remette? Ouais, remets-le. Allez, on y va. Gérard, l'animateur. Le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-en. Gérard. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions bonnes. Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, donc on venait de s'écouter quoi, Pedro, s'il te plaît? Un super titre. Bah, tu peux le dire. Tu dois le savoir, c'est ton débat, t'es censé préparer le truc. Bah non, mais moi, j'ai pas la feuille sous les yeux, donc... On va tirer une fiche après, t'inquiète donc, pas. Donc, voilà, donc, alors, au standard, au 0825-08-5000, et pour les belles, 0835-08-5000. Voilà. Donc, vous avez Hervé. Thomas. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Céline, malgré qu'elle est en vacances, elle est revenue pour... Bonsoir, Gérard. Pour les débats. Donc apparemment, je pense que le standard est en train de d'exploser. Et oui, c'est ce que je vois, le standard explose. Et donc sur le www.funradio.fr, donc vous avez Esteban qui est sur le net. Et donc j'espère que ce soir, on va faire de plus de 23 000 auditeurs. Bonsoir Gérard. Donc bonsoir Esteban et à l'aria. Bien sûr, comme d'habitude... Monsieur Pedro, salut, le Gégé. Roi des dragueurs. Oh, c'est même pas vrai. Quoi? C'est même pas vrai, arrêtez. C'est. D'accord. Allez, vas-y, Gérard, on quitte. Donc voilà, alors donc, le débat, c'est sur les vacances. Donc voilà, et donc derrière, vous avez Sandra Duloft et puis la copine à Pedro qui est juste derrière nous. Ouais, c'est ma meuf, ouais. Qui vont écouter. Donc alors, on accueille pour ça Bison Futé. C'est Bidon Futé, bonsoir. Bonsoir, parle un petit peu plus fort quand même, parce que là on t'entend mal. Bah, tu m'entends bien là? Tu m'entends ou pas? Ouais, t'es avec un portable et t'es en train de rouler. Il y a un fil, il y a un téléphone filaire. Ah là je t'entends un peu mieux. Ah. Petit bateau gonflable, 102.3. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais. La traquette. La Touquet, bonsoir. 112.5. 112.5, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Patrouille. C'est Tatouille. Ouais, Patrouille. Non, c'est Tatouille. Enfin bref, bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe, bonsoir. Bon, c'est bon. Et donc, de 91.5 de Mamoule, je sais pas ce que c'est comme truc, mais bref. De toute manière, c'est Céline qui a dû vous choisir... les départements comme ça, mais bon, bref. On verra. C'est possible. Allez, donc, première question. Donc, débat sur les vacances. Et je pense que ce soir, on va faire exploser le net, hein, parce que le dernier débat, on avait fait 23 000. J'ai retrouvé les chiffres. 23 122. 23 122. Moi, ouais. J'avais 23 441. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'il y avait des doublons. Ouais. Ah, ok. Temps, donc, j'espère. J'espère qu'on va faire un petit peu plus de 24 000 ce soir. Je l'espère. 25, Gérard, allez, 25. Non, mais j'espère que ce soir... Si on fait 24, on fait 25. Non, mais j'espère que ce soir, comme c'est la dernière, comme c'est les vacances, donc normalement, c'est une nuit marathon, donc j'espère qu'on va faire un bon petit débat et que personne va poser des questions cons. Non. Disons me poser des questions cons. Je répondrai à certaines questions, mais pas sur toutes. J'ai justement une question con que je ne poserai pas de Gérard Lover. Donc merci de pu poser la question suivante. Gérard, est-ce que tu as le même dentiste que Félicien? Non. Merci de plus la poser. Donc voilà, donc je réponds tout de suite. Par contre, c'est quelqu'un... Non, ils en ont pas tous les deux. T'as le même piège à loup quand même. Non, mais par contre... Oh, c'est bon, vous allez pas commencer parce que sinon je vais vous dire au revoir. Par contre, Céline, je peux avoir les stats? Merci. Voilà. Ok, Gérard, peut-être tranquille sur les premières questions. Hein. Oh là, c'est quoi tous ces stats là? D'accord, il y a des chiffres, il y a des mots, c'est incroyable. Il y a trop de chiffres. Bon, allez, première question. Que pensez-vous des camps de nudistes et de naturistes? On va demander à Patouille. Oui, ben, moi, je trouve que les camps de nudistes, c'est quand même pas mal. Tu vois les filles assez mignonnes, bon, un petit peu des problèmes quand tu fais grand. Patouille. Oui. Patouille, tu m'excuseras. Oui. Mais là, t'as un téléphone pourri, tu retournes voir Céline au standard. Tu m'excuseras, mais là, je ne peux pas t'accepter. D'accord? Non, mais là, ton fixe, on dirait que c'est un portable qui est en train de couper constamment. Ok? Donc, tu retournes voir Céline au standard et t'essayes de voir si on peut te rappeler sur une autre ligne. Ok? En demain, entendeur, salut. Bienvenue chez la Gerlande. La taquette. La touquette, ouais. La touquette. Bah écoute, moi je trouve ça super cool. Tu vois plein de gens à poil et au moins tu peux faire des comparaisons, quoi. Ouais. Non, mais tu peux préciser ta pensée En centimètres bah, en fait. Non, mais par rapport au camp de nudistes et de naturistes. Bah, je crois que tout est dit, hein. Ouais. C'est des gens à poil, voilà, quoi. Non, mais. C'est cool, ils vivent à poil, ils font leurs courses à poil, ils font non, mais, du vélo par à exemple. Poil. Ouais, non, mais d'accord. Ok, ok. Et du tennis à poil. Mmh. Ouais. Okay. Paris qui dort en pyjama. Voilà. Le bateau gonflable là. Ouais, bah écoute, moi je dirais qu'il y a du pour et du contre. Parce qu'il peut y avoir des très jolies filles comme des gros boudins. Ouais. Pas très beau à regarder. Donc bon, pff, autant avoir des maillots et puis ça laisse espérer des plus belles choses mecs, en dessous. C'est pas pareil d'accord. Pour les mecs, il y en a, putain. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. D'accord. Ouais. Serait mieux de garder le calbut. Hein. Ouais. Enfin, je pense qu'il devrait faire. Une tranche d'âge différente pour chaque camp de nudistes. Une tranche d'âge ou une tranche de poids? Non, mais attendez. Les deux. Bon, on fait un débat. On fait un débat, Gérard, on discute. Ah ouais. Ouais, non, mais attendez. Bidon futé, là. Bidon futé, ouais, bah écoute, moi je suis pour le nubisme, hein, quand même. Le nudiste? Le nubiste, ouais, bien sûr. Le nudiste, pardon. Oh, punaise. Excuse-moi, j'ai du mal. Parce que je trouve que bah, c'est agréable de se balader la quéquette à l'air, tu te sens libre, tout ça, c'est le kiff quand même. Mm-hmm. Après, t'as des grains de sable, plein la raie, plein le gland, tout ça, c'est le bonheur, quoi, franchement. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, que, bon, moi, j'ai jamais eu l'occasion de fréquenter des trucs comme ça. Bah, heureusement, parce que toi, tu vis des plages, hein, attention. Hein. Bidon futé. Ah, c'est pas moi, hein. Attention. Non. Ouais, non, mais je préviens tout de suite, calmez-vous parce que j'ai pas l'intention de. Pas ce soir. Non, mais je préviens Bienvenue tout de suite. Bienvenue chez la Gerlande. Nous sommes actuellement fermés. Oh, c'est M. Mazur. Pedro, tu commences pas comme ça, s'il te plaît. J'ai rien fait, Gérard. D'accord. Mais non, regarde. Non, mais je te préviens tout de suite. Donc, moi. Il y a Patouille qui est de retour qui peut peut-être répondre à la question. Hein. Céline? Oui, Patouille est là, Patouille. Oui, Patouille est là. Voilà. Je suis là. Donc, Patouille. Oui, je suis de retour, ouais. Gérard, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui te disent que tu n'es pas beaucoup dans le débat. C'est vrai. Ils voudraient plus de débit de débat, tu vois. Tu m'étonnes. Non, mais attends, faut pas qu'il commence. Comment? Ouais, GG. Oui. C'est bidon futé. Tout à l'heure, il y avait une jeune fille, je crois que c'était la touquette, qui parlait des comparaisons, parce que c'est vrai que quand t'es à poil sur la plage, tout le monde peut comparer. Tu commentes au niveau de la comparaison, a priori, comme ça, à vue de nez. Tu te situes où, toi? Personnellement, moi, je peux te dire une chose, que j'ai jamais eu l'occasion de fréquenter des places comme ça. Et personnellement, pour moi, ça me plairait pas du tout. Ouais. Tu préfères quoi, le naturisme ou le naturalisme? Aucun des deux. Pourquoi? C'est une question de qu'est-ce qui te branche pas? Non, mais même moi personnellement. Non, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que moi ça m'intéresse pas déjà pour commencer. Ouais, parce que déjà de voir déjà quand t'es avec une nana que t'aimes, donc tu vas avec elle sur là-bas. Donc tu la vois constamment 24 sur 24 déjà avec toi. Ouais, puis attends, donc après attends. Ah, puis attends, elle montre sa chatte à tout le monde quand même. Bah ouais, ouais, mais après ça se trouve Lélie, elle va partir à Ibiza c'est bon, ouais. Vous la laissez tranquille pour l'instant, d'accord? Ah. OK. Ouais. Pour l'instant. Vous avez pas commencé avec elle. Ouais, mais GG, toi si t'aimes pas le naturisme, c'est parce que t'es complexé ou pas? C'est une question de complexe? Non, c'est que personnellement, moi, je me baladerai pas comme ça. C'est tout, c'est pas parce que je suis complexé, c'est que personnellement, moi, ça me plaît pas du tout. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, t'es avec ta copine, tu fais du camp comme ça, ouais. Tu vois les autres comme ça, donc... Il faut y aller accompagné pour faire du naturisme ou tu peux y aller tout seul? Non, tu peux... Avec tes copains? Tu peux y aller seul ou accompagné, comme dit la Touquette, tu peux y aller avec... Tu peux y aller avec des copains, tout ça, mais moi, personnellement, non, moi, ça m'intéresse pas ouais, du t'as tout. T'as pas de copains. Et puis, tu t'imagines, Gérard, si tu vois une belle fille, tu te mets à voir la gaule et tout sur la plage, ça craint. Ah bah, de toute manière, c'est pas du tout. Il a plus la tête, il y a plus rien qui marche, hein, laisse tomber. Hein. Non, mais même, c'est pas la question de ça, donc... J'ai peur de couilles, toi, t'en as deux, une dans le cou, une entre les jambes, non? Bon, hé, celui qui s'amuse à parler des kystes, ferme sa gueule. Ouais, c'est pas bien. Il parle de sa bite qui va tomber, là. Bon, c'est pas bien, là, arrêtez. Hé, je sens que vous commencez très mal. Nous aussi, Gérard, on te sent. Donc, en fait, ce qu'on va faire, Gérard, c'est qu'on va peut-être passer à la question suivante directement. Attends, Pedro, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Non, parce que je te sens trop sur celle-là. Et bim. Dans la place, Pépé. Non, mais Gérard, je voulais dire un truc, c'est ta touille. Je voulais dire que dans un camp de naturiste, tu peux aussi garder des accessoires. C'est-à-dire que si t'as un Bob Ricard, tu peux le garder sur la tête, il n'y a aucun problème. Merci pour faire la pub, au revoir à toi. Au revoir. Oh, allez hop. Bienvenue chez la Gerlande. Nous allons bien de prendre votre appel. Bonsoir, monsieur Mazur. Alors, je te préviens, Pedro. Pourquoi moi? Ce n'est pas parce que c'est la dernière de la saison que tu as t'amusé à me balancer. Ouais. Slash, Pedro. Ouais. Oh, vos gueules. Ok, je vais les couper deux secondes. Vas-y. Donc, je te préviens, c'est pas parce que c'est la dernière que tu as t'amusé à balancer n'importe quoi comme merde. C'est pas mon genre. Et celui qui s'amuse à me souffler dans la gueule, arrête parce que j'ai horreur de ça. C'est d'accord, pas... Esteban? Oh, c'est pas le genre d'Esteban. Ça va, ma top? Donc. Il aime pas l'air frais, là. Il a pas l'habitude. Eh, je vous préviens, vous allez arrêter, sinon je vous vire tous. Parce que d'abord, je vous ai tous reconnus. Bonsoir, je m'appelle Robert. Ouais. C'est Ludo, on l'a reconnu. Bon, alors bon. Céline. Qu'est-ce que vous avez fait au standard? Oui, Gérard. Céline. Oui, je t'écoute. Tu fais une chose. Mais non. Vous allez me gérer le standard et vous allez me prendre des auditeurs. Mais on vous gère, me verrez toute la bande. Il n'y a pas de bande. C'est les habituels. C'est les habituels. Non, non, là tu. C'est les habituels. Non, terminé. Non, Gérard, je crois pas que ce soit les habituels. C'est les habituels. Gérard, calme-toi, t'es tout rouge. Il n'y a personne qui prend le standard. C'est les habituels terminés. Arrête, Gérard. Tu fais peur à tout le monde. Arrête. Gérard, je te jure que c'était pas non, les habituels. C'est les habituels. Arrête. Y a Tony, y a Arnett et y a l'autre poufiasse de Paris. Gérard, c'est pas vrai. Hein. Tu Gérard, c'est... arrête. Tu te fais des idées dans ta tête de fou. C'est les habituels. Gérard, des vous changez. Mal pour rien, Gérard. Arrête. Terminé. Gérard, calme-toi. Vous me virez tout ça. Hey, Gérard. Vous virez. Je vais fendre ta manche en bois. Oh. C'est moi qui commande. Ok, arrête, c'est les habituels. Gérard. Ah, hop, terminé. Gérard. Non. Hop, terminé. Tu les as repris sous d'autres noms. Terminé, hop, dehors. Mais Gérard, du calme. Hop, les habituels dehors. Je te jure, écoute-moi. Tu m'écoutes deux secondes. Non, il n'y a pas... Max a contrôlé le standard. Non. Max n'a rien contrôlé bien du tout. Bien sûr que si. Max n'a rien contrôlé du tout. De toute manière, vous avez l'agenda, vous avez les numéros des habituels. Vous m'avez mis les habituels. Il est hors de question que je commence comme ça. Mais arrête, c'est vrai. Vous arrêtez. Mais non, je te promets, Gérard. Non. Bon, Gérard, en attendant qu'on prenne l'audience, est-ce que tu peux dire deux, trois statistiques qu'on a tirées hein? Ben, ceux-là, vous commencez comme ça, ça va mal se passer. Alors, quels sont les pays que les Français adorent pour partir en vacances? Alors, 90% New York City, 78% Tchernobyl. Alors, je vois pas ce que Tchernobyl a à foutre là-dedans. Ça mais c'est pays, pas grave. Hein. Non, mais de toute manière, ça, c'est des stats qui n'ont rien à voir avec le débat, d'accord? Sauf que si, c'est sur les vacances. Mais bien sûr. Vas-y, mais arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule. Excuse-moi, mais t'as marqué DJ Adèle là, sur ton casque. Je lis ce qu'il y a sur ton casque. Ouais, d'accord. 40% Hiroshima, 20% Peto Rootstock. Mais c'est quoi ça, c'est merde. C'est quoi ces statistiques de merde? Ça, je le dirai pas, c'est tout. Voilà, terminé. Super, Gérard. Mais arrête, Gérard, on s'est donné... Mais attends, mais de toute manière, qu'est-ce que vous me sortez, là, comme stat? C'est toi, sans arrêt, c'est les mêmes. Arrêtez de me sortir non, de la Gérard, merde. Non, Gérard, c'est pas les mêmes. J'ai fait ça avec un correspondant de New York. Il a travaillé pour moi, donc tu pourrais au moins les lire, quoi. Mais oui, bien sûr. Gérard, bien sûr. Te vexe pas parce que tu n'as pas compris, c'est pas grave. Mais en tout sûr. Cas, actuellement, il y a 7887 personnes qui te soutiennent voilà. sur le web et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ouais. Donc pour l'instant, on va attendre et c'est tout. On va attendre d'avoir des nouveaux auditeurs. On va faire la discussion si ça va bien, sinon, Gérard. Non, mais moi, je vais aller me chercher un café, c'est tout. Tu vas mettre un disque. J'ai pas de disque là. Bah, tu mets un disque et c'est tout. Non, alors je mets quoi? Bah, tu mets ce que tu veux, tu balances un... Non, si tu connais la radio, dis un titre. Ah ouais, dis un titre. Bah, tu balances, je sais pas, du Jean-Michel Jarre ou je sais pas. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, on est pas en retenue. Pourquoi pas, ou tu balances On va s'aimer de JBL Montagnier, je sais pas. JBL Montagnier, non? Non, mais tu balances n'importe quoi, mais de manière là au standard, vous allez prendre des auditeurs. Non, mais attends, Gérard... Je crois que là, t'es allé un peu trop vite, ça fait même pas 10 minutes qu'on a commencé. Même, ça fait peut-être pas 10 minutes, mais de toute manière, c'est les mêmes. D'accord? Alors moi, il est hors de question que je travaille comme ça, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, le titre? On va s'expliquer. Alors, regarde, il y avait des gens, Max a contrôlé le standard juste avant. Non, je te promets. Je te dis que non. Attends. Je te dis que non, parce que c'est Tony Arnett et tout ça. Et toi, tu vas arrêter avec ta bande. De mettre du Monsieur Mazur. Et Monsieur Mazur, il est hors de question qu'il passe dans les débats. Mais il passera pas, il est pas passé. D'accord. Arrête, t'es parano, Gérard. Hein? Donc c'est tout, voilà. Bon, dis-nous un peu ce que ça va être la question suivante pour que les gens puissent appeler, pour qu'ils sachent. Non, mais on reste. Que pensez-vous des comptes de nudistes ou de naturistes, c'est tout. On D'accord. reste sur cette question-là. On va pas faire deux heures dessus, cela dit. Hein. Non, mais on va pas faire deux heures dessus, mais sinon, je vais prendre une question au hasard. Allez, au hasard. Alors, pensez-vous que les locations sont moins chères hors saison? Voilà. Voilà la question et c'est tout terminé. Les locations et les vols? Voilà, et tout ça. Il y a ça. Beaucoup de gens qui disent que tes questions reflètent exactement ce que tu es. Ça, je pense que c'est plutôt une belle chose. N'importe quoi, ça, c'est des questions cons sur le site. Il faut le dire. Bah, enfin, de bonnes questions, un bon animateur. Ouais, on verra. On verra par la suite. On verra par la suite. Donc, c'est quoi le titre? Tu veux balancer un titre? Bon, on le lira après l'avoir passé, parce que là, j'ai pas le titre sous la main, tu vas le lire juste après, d'accord? Donc, on se retrouve au 0825 08 5000, et pour les Belges, 033 0825 08 5000, et sur le net, www.funradio.fr. Bah, apparemment. Deux secondes, il faut qu'il se cale. La ZICMU se cale. La ZICMU, ouais, comme tu dis, ouais. On va la caler, hein, deux secondes, on a le temps, hein. Non, mais apparemment, Pedro, a pas l'intention de... Non, mais je te jure, non, mais c'est le truc qu'il veut pas. Attends. Ah bah, parle un peu. Ah bah ça veut pas. Bah, c'est super, c'est nickel. Non mais c'est bien. Alors s'il y a pas de musique qui se cale. Bon, on n'a plus rien. Il y a juste une question. Tu sais qu'il y a l'émission sur TF1 là qui va démarrer dans l'été. Est-ce que tu as fait le casting de Kraslanta, toi? Non. De quoi? De je sais plus. Comment c'est le nom? Ah oui, voilà. Koh-Lanta. Tu l'as fait ou pas? Non. Non. Eh ben voilà, ça y est, le truc est coincé. Allez, non mais de toute manière on. On a des gens là. Céline, on a du monde. Ah, on a 4 personnes, Gérard. Alors on va les écouter. Non, qui est là avant la pub. Avant la musique. Alors Polo, 104. Ouais. Bah bien sûr. Alors, encore des fréquences de merde. Ah non. Bon, attends, Saint-Tropez à 183.2, c'est que tu ma gueule. C'est en petites ondes. C'est en petites ondes, Gérard. C'est des fréquences spéciales à Saint-Tropez. Mais bien sûr. C'est des fréquences de luxe, Gérard. Mais bien sûr, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Gérard, en fait, Polo, il faut qu'il t'explique. Il connaît pas sa fréquence, il s'en souvient plus. Ouais, bah dans ce cas-là. Si tu connais pas les fréquences de Fun Radio, t'en donnes pas, d'accord? Voilà. Mais comme toi, Félicien de fait la Watt. Non, 113.5, ça n'existe pas comme fréquence, non, d'accord? C'est Félicien déjà. Ouais, je Félicien. Ouais, 113.5. Ouais, 113.5, ça n'existe pas, d'accord? Ah, si, j'appelle. Ça n'existe pas. J'appelle du Cotentin. Ça n'existe pas, d'accord? Il appelle de Belgique, c'est pour ça. C'est grand la France, hein? Bien sûr. Bah, allez-y, foutez-vous bien de ma gueule. Non, arrête. C'est pas notre genre, arrête, Gérard. Ouais, Gérard, comme ça un petit peu là. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Vas-y. Petit Gus en vacances. À Cannes, 98.8, tu crois que ça existe la fréquence de Fun Radio à Cannes en 98.8? Ah bah pourquoi pas? Ah oui, bien ça c'est vrai. Bonsoir Gérard, bien sûr que la fréquence existe. Ouais. Puisque c'est la mienne. Ouais, à vérifier. Très bien, tu pourras. Ouais, à mon avis, ça m'étonnerait. La quatrième personne. Et ta fouine? Oui, allô, bonsoir. De Beaune, 102.8? Oui, allô, bonsoir Gérard. T'es sûr de ta fréquence? Oui, je suis sûr et positif de ma fréquence. Ah. Tout à fait, je vous écoute depuis très longtemps, et ainsi que Max. Ouais, non, mais c'est bizarre parce que des gens de Beaune. Ah, je l'ai reconnu, lui. Et bien sûr, oui. Encore les mêmes. C'est Victor. Les mêmes. Mais non, c'est pas les mêmes, Gérard. Encore les mêmes. Mais putain, mais vous me faites chier. Mais c'est pas les mêmes, on vient de les récupérer. Non, non, vous les avez changés de nom de bon. Mais non, arrête, Gérard. Arrêtez. On les a achetés, Gérard. Non, c'est les mêmes. Mais arrête de boire. Mais oh. Ça va pas, non? Merci! Allez, t'envoie la musique! Allez, on va la calmer. On va la fouetter. Mais reste là! Et tu vas où? Chier, là. Ah bon, d'accord. Bon, écoute, c'est super. Ouais. Là, ça commence à bien faire! Deux fois que je vois les auditeurs, deux fois tu me la passes sous les mêmes! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Où ça? Hein? Hé! Tout ça, c'est encore les mêmes! Et au sonore, ils foutent rien! Bah, Max va les vérifier lui-même tout de suite. Pas les mêmes! Mais non, mais attends, Gérard. Je ne continue pas le débat! Attends, mais t'es taré, c'est ma dernière, mais tu fais aucun effort pour Lily, pour Sandra. Les mêmes, c'est les mêmes. Mais où tu vois? C'est les mêmes. Mais merde, vous prenez personne. Bah fais-le toi alors, sélectionne-le Gérard pendant le disque. Oh, il y a un jet de balle. Vous me faites chier. Vous me faites chier, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu rigoles, regarde-le, tu rigoles. Ouais, tu te marres, tu te notes gueule. Bravo, comédien. C'est la première fois qu'il nous fait un coup de comédien. Il est grave. Wow, la bouteille d'or. Bon. Il en rigole presque. Bon, on va mettre un disque. On va mettre un disque, ouais. Non, mais. Bon, alors on va virer tout le monde et puis on va prendre des nouveaux. Voilà, alors, pour d'après Gérard, c'est pas des nouveaux. Voilà. Bon, je sais qu'on change tout le temps, c'est pas les mêmes et pourtant je crois que c'est les mêmes. Ah, voilà. Je crois qu'il est devenu complètement parano, ouais. Gérard. Donc on va se mettre. Oh, c'est une gueule derrière, il est dans le couloir à 10 km, même, c'est les mêmes. Donc on va mettre un petit disque, tout le monde va se calmer et on va se retrouver juste après pour les débats de Gérard, alors. Hein. D'accord? Allez, à tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc, vous venez de. On vient d'entendre Prends-moi Grand Fou de Clitoman, mais ça, à mon avis, ça m'étonnerait que ça soit que ça. Si, c'est exactement ça le titre. Mais bien sûr. Il a bien lu. Hein. Mais fous-toi bien de ma gueule aussi, Pedro. Arrête, c'est pas vrai. Il y a bien un chanteur qui s'appelle Gérard. Déjà, c'est pas ça. Donc, à mon avis, c'est un remix qui a été fait de Sur Moi. Donc, à mon avis, c'est pas du tout ça. D'accord? Alors, quand vous mettez des disques, vous arrêtez de me donner des faux titres. Déjà, pour commencer. Hein. Et au standard, vous allez vous réveiller un petit peu plus. Hein, oui, parce que sinon, on va pas continuer longtemps le débat. Donc alors prends-moi Grand Fou, donc c'est pas du tout le bon titre. Alors maintenant tu donnes le titre exact, Pedro. Non mais c'était ça, Non, mais tu fais ton boulot correctement. Écoute, Gérard, c'était ça. Attends, tu fais ton boulot correctement, s'il te plaît. Gérard, c'est toi qui fais de la radio, c'est à toi de connaître. Non, le titre, mais hein. Attends, déjà. Moi c'est le titre que j'ai, hein. Non, mais moi c'est pas du tout on ça. On s'en fout, Gérard. Donc voilà. Bon, les gens ont donc reconnu, hein. Vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000 pour les Belges. Sur le net, Gérard, en tout cas sur le net, là, on a fait une petite remontée parce que comme t'as recadré le débat, on est passé à 10 996. Ah, bravo. Ouais. 10 996. Mais moi, je voudrais, comme Max est quand même parmi nous, donc il est là. Moi, je voudrais poser une question à Max. Il va peut-être pouvoir me répondre. Ouais. C'est comment que ça se fait que toi, quand tu fais la nuit, par exemple, de 23h jusqu'à tard dans la nuit, avant que je vienne faire mes débats, mm-hmm. Comment que ça se fait que toi, tu n'arrives pas à dépasser ce chiffre? Eh ben, merci de m'enfoncer. Ah, tu la pètes. Non, mais je te pose. Ça joue là, Gérard. Ouais. Non, mais je te pose la question. Bah, je sais pas, ça doit être parce que les gens sont très je sais pas, ils sentent qu'avec toi, ils ont la possibilité de pouvoir s'exprimer. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir développer comme toi des débats où ils ont des réponses aux questions qui peuvent se poser. Là, je vois rien que sur le net, par exemple, il y a des gens sur le net par exemple qui demandent c'est quoi ? Sandy, non, d'accord, donc ça c'est pas bon. Enfin, oh putain. Excuse-moi. Non mais je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Je pense qu'il faut peut-être plus poser la question aux spécialistes. Je crois que Esteban est plus à même de pouvoir répondre à cette question que moi, Gérard. Eh, D'accord, merci de, d'avoir écouté non, ma réponse. Hein. Non, mais de toute manière, c'est pas ça. Non, mais. Rien à foutre. Tu me poses une question, une fois que tu me l'as posée, tu penses à autre chose. Donc, Non, mais c'est pas ça. Je comprends c'est... que vous ayez du mal. Non, non, mais c'est pas ça. C'est culotté, pas... Gérard. Je vais pas demander à Esteban. Non, parce qu'en fin de compte, Esteban, il est là pour faire mes débats. Non, mais ça lui est arrivé de travailler. Non, mais j'en parle pas d'Esteban quand il est là. Mais Esteban, ça lui arrive très souvent de faire Internet pendant mes émissions de la nuit. Et mon Dieu, ça lui arrive des fois de partir parce qu'il est désespéré d'avoir personne. Non ouais, mais ça. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi c'est vrai que j'écoute souvent la nuit tes émissions. Je propose à toi Gérard avant qu'on, parce qu'il faut vite revenir dans le débat. Non mais moi, ce que je peux proposer. Eh ben on en discutera juste après. Non. On peut tout en faisant le débat, en continuant à réagir au débat des vacances, peut-être qu'on peut demander à Esteban. On va lancer un appel pour tous les gens. Pourquoi vous êtes si nombreux? C'est lors de mes débats et pas dans les émissions de Max. Et de temps en temps Esteban te dira. Voilà. Réponse. Tout à fait. Bah j'accepte. Par contre. Alors moi, une question que je me pose, et ça, faudrait peut-être que on essaye de me trouver et les fréquences de Fun Radio dans toutes les villes, parce que ça m'étonnerait que Bordeaux soit sur 85.2. Pourquoi ? Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi, Gérard ? Parce qu'on a Nounours. Nounours ? Nounours, une fois. Oui. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. La fréquence, c'est 85.2 ? Oui. T'en es vraiment sûr ? Ben, il me semble, oui. Ouais. T'es avec un portable ? Non, je ne suis pas avec un portable, j'ai un fixe. Et t'es en train de rouler ? Ah non, je suis pas en train de avec rouler. Avec un fixe, en train de rouler. Chez moi. Enfin, ça va plus être un deux feuilles, mais bon. Trop tes fiches. Enfin, 85.2, ça m'étonnerait avec la fréquence... Juste radio. Donner des détails avant que je m'en aille, c'est que comme il y a beaucoup de gens en vacances, il est possible qu'ils se trompent parce que c'est des nouveaux venus sur Bordeaux aussi, il y a beaucoup de vacanciers, donc peut-être que lui, t'es d'où toi à la base ? Ben moi à la base, je suis de la région bourguignonne. Et voilà, donc comme il vient à Bordeaux pour les vacances, il connaît peut-être pas bien la fréquence. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, j'essaie de vous capter alors que vers Chalon-sur-Saône c'est 91.5 et j'essaye de vous capter à Bordeaux, et ce qui est très difficile d'ailleurs. Ok. Marcel, 101.9 Paris, donc cette fréquence-là, donc il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Sandra, bonsoir. Sac de couchage. Bonsoir, c'est sac de mouchage. Ouais, sac de mouchage, Melbourne, 118.8. Ouais, c'est Melbourne, hein, c'est Melbourne. Bonsoir. Quoi ? C'est à Melbourne, t'as dit Melbourne, c'est Melbourne. Ouais, bon, bref, je m'en fous de la ville. Il n'y a pas de problème. Pierrot, 60. Attends, non mais, hey, vous foutez pas de ma gueule un peu là dans les fréquences ? Non Gérard, salut Gérard. Sainte-Maxime 79.9 ? Ouais, c'est une nouvelle fréquence. Ah, c'est une nouvelle fréquence. T'en es sûr ? Ah, certain, ouais. Bah ouais, je travaille à côté en plus. Ah ouais, bien sûr, alors que Max il passe ses vacances à Sainte-Maxime, ça m'étonnerait que Fun Radio soit 79.9 sur Fun Radio. Ah non mais c'est une nouvelle fréquence. Donc attendez, non mais je demande sur le net les fréquences de Bordeaux... Et de Sainte-Maxime, Hervé, dès que... Hervé. Oh là là. Esteban, pardon. Au lieu de t'amuser à taper comme ça. Je suis en train de chercher l'enseignement que tu viens de me demander. Non, tu demandes... Si, je suis en train les de auditeurs, demander. Les auditeurs qui sont sur le net. Sur le net, www.funradio, sur le chat Fun Radio. Donc, si vous avez les fréquences de Sainte-Maxime et de Bordeaux, merci de me les préciser. Oh, t'es dur, DJ Abdel. Voilà. J'aimerais comprendre. T'as DJ Abdel. Mais c'est parce que t'as l'étiquette DJ Abdel sur ton casque, putain. C'est des scratchs avec le chingo. Alors, la question. Oui, allô, Gérard ? Oui. C'est Nounours. Je voulais simplement te dire que pour Bordeaux, j'ai une petite radio de merde avec les molettes, tu sais. Ouais, moi aussi. Pour savoir précisément Qui c'est qui t'a choisi ? Comment ? Qui t'a choisi ? Bon, hey. vous me le récupérez, Nounours, là ? Mais Nounours, Gérard ? Oui. Oh là là. Gérard, j'ai la confirmation des chiffres. Est-ce que je peux intervenir ? C'est toi le chef. 79.9 pour Sainte-Maxime et 85.2 pour Bordeaux. Ouais, bon, bref. Voilà. C'est confirmé par le maire de Bordeaux et de Sainte-Maxime. Bah, bien sûr, le maire de Bordeaux, c'est ça. Et puis quoi encore ? Ah, bah, le Bordeaux, ils sont tous derrière toi. Bon, bravo ! Nounours, pas Nounours, Céline. Oui, Gérard. Tu commences déjà à me calmer, Nounours, avec son putain de téléphone de merde. Je vais le calmer, pas de problème. Bienvenue chez la Verlande. Je sais pas ce qui se passe. Oh là là là là là là. Putain. Bon, Gérard, on va peut-être passer à la question que tu avais posée. Voilà, on va le gérer en antenne. Gérard, tu vas peut-être passer à la question suivante. À votre avis, faut-il. Merci pour celui qui a un micro d'allumé ou je sais pas quoi. Bon, alors, je sais même plus où était la question. Nous vous rappelons nos horaires d'ouverture. Pedro, ça suffit! C'est pas moi, Sandra est témoin. Est-ce que j'ai appuyé quelque part? Non, il a appuyé nulle part, Gérard. Tu peux me faire confiance. Pensez-vous que les locations sont moins chères? Ta gueule, là. Samedi. Où ça? 10h30 à 19h30. Alors, j'aime bien. Je vois que c'est la dernière et que tout le monde en profite. Et trace la route, t'es un professionnel. Ta gueule. T'es un professionnel, vas-y, enquille. Pour l'instant, tu la fermes, c'est moi qui commande. Allez, vas-y. Alors, je vais te dire une chose, Pedro, tu vas arrêter. C'est pas parce que Sandra est à tes côtés, mais que tu vas foutre ton bordel. Elle voit bien que j'appuie sur rien. Ouais, il appuie sur rien. Mais de toute manière, l'histoire. Gérard, je le verrai l'histoire, quand même, non. L'histoire de Monsieur Mazur. Gérard. Laisse-la parler un peu. C'est tout. Il appuie sur rien du tout. Voilà, hein. Je la touche même pas, elle. Ouais, fais gaffe, toi, parce que sinon, on appelle ta copine à Europe 2, d'accord? Non, ta gueule. Putain. Mais merci. Sa copine. Pensez-vous que les locations sont moins chères hors saison? Ouais. Nounours. Nounours une fois, nounours deux fois, nounours trois fois. Au revoir. Mais attends, Gérard, tu ne laisses même pas le temps de répondre. Fois, deux fois, trois fois. Du calme. Hein. Attends, nounours. Il y a Smarties qui nous dit que tu vas un petit peu loin avec Sandra. Si tu pouvais arrêter de la draguer en direct comme ça sur l'antenne, ça aiderait tout le monde. Là, c'est la 40e carrière-direction que j'ai. C'est faux, il la drague pas, n'en profite pas. Hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par le discours que t'as avec Sandra. Mais par exemple, les gens assez sains tout à l'heure, sont beaucoup déçus. Les gens sur le net, de toute manière, je ne cherche pas à voir Sandra, d'accord? Ok, on de bon entendeur, salut. Alors maintenant, c'est déjà fait. Ta gueule. Interruption. Méfie-toi, Sandra. Nous vous remercions de votre appel. À très bientôt. D'accord. Non, alors, de toute façon, t'as raison, Gérard. Sandra, elle est très mignonne. Bon, Gérard, enquille sur la question, c'est pas grave. Repose ta question et je vais prendre les gens au fur et à mesure pour répondre. Ouais, mais il aime bien Lily aussi, hein. Pensez-vous que les locations sont à. T'aimes bien Lily. Nanana. T'aimes bien Oli aussi. Chaud. Oh là là. Allez, Gérard, te laisse pas déstabiliser, bon, vas-y. Si je vais arriver à faire mon débat ce soir. Il est en kiff, là. Allez, vas-y. Gérard, je me le demande. Pensez-vous que les locations sont moins chères hors saison? On va demander à Nounours de Bordeaux. Oui, je trouve que oui, les locations sont moins chères hors saison vu qu'il y a moins de touristes. Mmh. Donc, ouais, je pense pas à mon avis. Hein. Ah non, mais si, c'est vrai, ça a été prouvé vu que les gens, quand il fait beau, vont plus au bord de la mer. Donc, à Bordeaux, il n'y a pas la mer. Bah, à Bordeaux, bien sûr que si, qu'il y a la mer. Je suis à côté là. Mmh. Non, mais attends. Je vais répondre après. Je vais répondre, moi. Marcel. Ouais, moi, je m'en fous un peu des questions. Je voudrais savoir si Sandra, elle peut pas m'avoir un micro ondes à moitié pris. Bon, alors, Marcel. Écoute-moi bien, Marcel. Marcel. Il est là, arrête, Gérard. Ouais, je suis là, ouais. Marcel. Tu peux pas me faire un bruit, Sandra? Ça fait. Bah, Sandra, elle a explosé, et donc c'est un peu la galère. Quoi. Comment? Mais moi, on me les a offerts les micros, donc je peux pas demander. C'était pour moi en fait, hein, parce que moi, je faisais la cuisine. Ah ok. Ouais, mais Cody, ils sont pas d'accord, je pense. Je vous préviens d'une chose, que Sandra est là pour voir comment je fais les débats. Donc Marcel, ta question, si tu veux parler à Sandra en antenne, terminé. En de bon entendeur, salut, au revoir. Je voudrais juste réagir sur le net certaines questions qui n'ont pas été posées. Par exemple, Lapin Mystère, merci de ne pas poser la question suivante. Est-ce que Gérard bénéficie de l'allocation parents alcooliques? Donc ça n'a rien à faire sur le débat de Gérard. Ça fait. Oh là là. Je sens que tout à l'heure. Gérard? Je sens que tout à l'heure, le débat va être clos, mais très vite. Parce que je préviens d'une chose. Une. Sur Internet. Les questions cons, comme ça, je n'en veux pas. Question conne. Hein? Parce que Esteban. Question conne. Esteban. Question conne. Question conne. Gérard, on met un N-E à la fin. Mais laisse tomber, c'est pas la peine. Question conne, c'est bien. Tu devrais te corriger sur ta feuille. Il fait la tête, DJ Abdel. Question con, là. Bon, Gérard, vas-y, termine ta question sur à propos des questions cons. Hein. Ah non. Non mais là je pense que vous êtes en train de me saccager La fin de la saison. Non, non, c'est pas Sandra, c'est sur le net, et toi avec Maxime. C'est toi, Gérard, qui saccage. Avec l'autre. Elle est tellement fermée. Avec l'autre. Avec l'autre. Elle a un nom, l'autre. Hein. Attends. Ben c'est toi, il parle de toi. Arrête, non. Comment je parle avec l'autre. Parce que si tu t'es jamais pris de coup de pellette, attention. C'est-à-dire hein. avec Monsieur Mazur. Alors maintenant, c'est clair, net. D'ouverture du lundi au samedi, de 10h30 à 19h30, sans interruption. S'il te plaît, tu reviens dans les studios. Bon, alors attends, hop là, on l'a coupé. Voilà, Gérard. On va revenir peut-être au débat. Non, pour un son, tu vas fermer ta gueule, toi. D'accord, bah vas-y. Pose une question, Gérard, pose une question. Déjà, sur le net. Vous commencez à me casser les couilles avec vos questions de merde. Hein? Parce que là, ça commence à bien faire. Et la prochaine question que j'entends sur mes parents, ça a mal se terminer, je vais arrêter le débat. Il va pas y en avoir si ça continue. C'est clair, net et précis. Donc on parle plus de tes parents. Hein? Ok? On parle plus de tes parents du tout. D'accord? Tu veux plus entendre le mot parent. Non, mais faites gaffe à ce qui se passe sur le net un petit peu. D'accord? Sac de moussage. Sac de moussage. Bah écoute, GG, sac de moussage. Hors saison, moi je considère que c'est difficile, parce qu'à partir du moment où c'est plus l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est le printemps, tout ça, tu vois. Mm-hmm. Donc hors saison, en fait, les tarifs, grosso modo, c'est toujours les mêmes. Mm-hmm. Donc ta question, elle est un peu con. Non, elle est un peu conne, Dissandra, un peu conne. Je vous préviens d'une chose. Sandra écoute les débats, c'est la première fois qu'elle vient dans les studios, elle écoute comment que ça se passe, donc Sandra n'intervient pas, d'accord? Donc vous lui foutez la paix. Elle te donne des cours de grammaire. Vous lui foutez la paix. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bon, oui, alors Sandra. Bon Sandra, non Sandra va pas faire le débat, Gérard reviens ici, assieds-toi. Et hop là. Oh Gérard, arrête ton cinéma. Gérard, comédien. Oh là là là là. Quel comédien. On en rappelle pour rappeler les fréquences de Grimoux, Lepreux, Crugville et Clito sur scène. C'est aussi 79.2. Alors le jeu ce soir, c'est de le faire partir plus de 10 fois avant la fin du débat. Hein. Arrête de faire le comédien, c'est lourd Gérard. C'est pas grave, sinon on fait le débat à ta place. Hein. Arrête. Alors, à votre avis, faut-il faire garder ces animaux par d'autres personnes? Bah écoute Pedro, moi je pense que quand t'as des animaux, il faut que tu les assumes quand même. Ouais. Hein, donc surtout. A priori, tu t'en occupes toi-même quoi. Ouais d'accord. Ah, voilà. Ça a coupé quelque part. Attends, hop là, on va récupérer au standard. Tu récupères au standard qui a coupé? Merci Céline. Allez-y Gérard, vas-y enquille. Sac de mouchage. Toujours là, toujours là. Max, je vais te dire une chose. Tu fais quelque chose, parce que sinon, le débat va être clos vite fait. Non. C'est que sur le net, les questions cons sur mes parents, j'en ai marre. D'accord? Ils viennent les poser. Alors ça, je l'ai pas posé, j'ai dit avant, non. Je vais pas te la poser. Je l'ai pas posé. Mais alors pourquoi tu l'as posé? Mais elle a pas été posée, t'as pas répondu. Mais j'ai pas répondu parce qu'il y a pas de réponse, il y a pas de question. Et alors, parce que j'ai dit que je voulais pas. Et alors, on parle pas de Lily, d'accord? On a pas parlé de Lily, qu'est-ce que le grand rapport? Gérard, arrête de t'énerver, sinon je vais encore pleurer. Voilà, et voilà. Ouais. Tu vois ce que tu fais? Ah, c'est malin. Gérard, il faudrait resserrer ta chaussette. C'est n'importe quoi. Je rappelle au passage que Gérard veut faire le débat jusqu'à 4 heures. À la base. Il est 1h30. Hein. Il a fait des questions. Je pense. Je sais même pas si on va y aller jusqu'à 4 heures. Parce que pour l'instant, tu vois, c'est ça. T'as Pedro qui est en train de me passer du Monsieur Mazur. Mais non. Sur un répondeur pourri. C'est la Gérard. Hannibar, Sandra, là j'ai une welcome. Hein? Il a une welcome, une webcam, laisse tomber. C'est un nouveau Gérard, c'est Toto. C'est Toto, voilà, on a quelqu'un de nouveau standard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Toto. Bonsoir Toto. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9. 101.9. C'est bon, 101.9, ça te va? FM. Yes, ça existe, hein? Ouais. Ah, ouais, c'est crédible. Allez, Pierrot. Oui, ouais, Gérard. Ouais. Je pourrais répéter la question. Oh putain, mais merde! Mais non, mais Gérard, repose ta question alors. Mais non, mais moi je suis plus rien là, on parle de tes parents, on parle. Pensez-vous que les locations sont moins chères hors saison? Non, non, je pense à ma mère qui fait des tricots. Non, moi je pense pas, non. Et voilà. Arrêtez. Non, mais sérieusement. Arrête, c'est pas moi, j'ai rien fait. Gérard, arrête de sourciller, merde! Moi je vais à la blague. Gérard, alors attends, on va l'enlever. Non, non, Max! Alors, on va Gérard, on est. Je peux faire un point sur le net ou pas? Non, non, mais Max, là, c'est plus possible! Remets ton casque, Gérard. Gérard, là, c'est plus possible. Écoute bien ce que je vais dire, Gérard. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc on va prévenir, il faut arrêter de parler de la vie privée de Gérard parce que ça se fait pas. Gérard, pas est-ce bien. Qu'on peut faire un point sur le net? On peut faire un point sur le net comme ça pour changer un peu de sujet. Alors là, on est quand même, malgré l'énervement de Gérard et la totale immaîtrise du débat, on en est quand même à 16 794. Oh là là, 16 794. On va cartonner avant 4 heures là, ça va être énorme. Pleure pas Gérard, c'est bon. Hein. Mets ton casque Gérard. Gérard, mets ton Gérard, c'est de la radio. Hein. Gérard, c'est formidable. Hein. C'est énorme. Oh là c'est bon, je calme Gérard, t'inquiète. Gérard. C'est bon. Alors, je préviens tout de suite. On récupère les auditeurs là, c'est bon. Oui, bonsoir. Je préviens tout de suite que si ça recommence, Ça il y a une libre antenne après et le débat il sera fait pas avant 2h30. Alors je préviens tout de suite. Soit on fait le débat jusqu'à 2h30, après il y a une libre antenne, ou soit qu'on arrête et on fait le débat à 2h. Non mais ça va bien se passer. Ça ouais, va. Ça va et aller. Celui qui rote comme un porc arrête. C'est une erreur. C'est tout. Attends, c'est une arrêtez. Erreur. Arrêtez deux secondes les auditeurs s'il vous plaît. Pas de roue, pas de son, rien s'il vous plaît. Zéro, et Gérard va enquiller, va expliquer un peu. Vas-y Gérard, on t'écoute. Voilà. Je préviens que si ça se termine mal, si j'entends une connerie, une seule, hein. Une seule, ouais. Je coupe. Je paye une libre antenne jusqu'à 2h30. À 2h30, je reprends le débat jusqu'à 3h30. Il a fait le planning. Non, c'est pas ça. Il a fait le planning, ça y est. C'est parce qu'en fait, Gérard, il faut qu'il aille. Hein, il a une c'est un comme petit il était habitué au planning là, familial, maintenant, voilà. Il est habitué au planning. T'as un rendez-vous galant, Gérard? Ouais, c'est ça. Hein. J'ai rien du tout. Ouais, c'est ça, ouais. De manière, je resterai jusqu'à 6h pour rien que pour faire chier le monde. Alors, je répète la question. Que pensez-vous? Ah, on a quelqu'un qui a raccroché, qui en a eu marre. Alors, on va la récupérer, merci Céline. Non, bon, on récupère pas, on prend d'autres personnes. Ça va être évident, on récupère celui qui a raccroché. Il y a beaucoup de gens sur le net. Hervé, s'il te plaît, tu prends des gens standards, parce que apparemment, ça a l'air de sonner, mais personne prend du monde. Il y a beaucoup de gens sur le net qui sont déçus de ton iniquité, ton altruisme. Hein? Il y a beaucoup de gens sur le net qui sont déçus, et ça n'a rien de négatif, de ton iniquité, de ton altruisme. C'est-à-dire? Iniquité avec deux N, un C, un U et entouré de E. Et... Qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'ils veulent dire que... Me dis pas qu'iniquité, tu connais pas, parce que là, c'est vraiment très très grave. Non, évidemment, tu connais, rassure-nous, tu connais. Non, mais dans ces cas-là, qu'ils disent carrément que je sois bourré et que. Mais je sois non, iniquité, d'accord, pas cuité. C'est bon. Alors donc, dernière fois que je répète la question. Pensez-vous que les locations sont moins chères hors saison? C'est la dernière fois que je pose la question. Et celui qui me souffle dans la gueule, arrête! Max. Non, c'est pas Max, c'est toi, Esteban. Ça peut pas être lui, il y a Gérard Pierrot. Il y a Max au milieu. Oh non. Ouais. Oh. Bon, qu'est-ce que je pense de la question? Je pense. Non, je suis pas d'accord. Alors, tu peux expliquer? Je pense que les locations sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères hors saison, quoi. Ça coule de source, c'est logique. Puisqu'il n'y a personne, donc forcément, ils montent les prix. Tu penses? Bah oui, c'est logique. Mm-hmm. Mm. Bah oui, forcément, ils baissent les prix quand il y a du monde, toi. Comme ça, il y a plus de monde qui vient encore. C'est... Non, mais tu penses que toi, hors saison, c'est moins cher. C'est plus cher. Ah oui, hors saison, c'est le triple. Hein. Non, moi, je pense pas. Ah bon? Moi, je pense pas, parce que moi, je vais te dire une chose. Vas-y, dis-moi. C'est que, qui c'est qu'on a, là? Pierrot. Bah, c'est Pierrot, ouais. Ouais, Pierrot. Sac de couchage. Sac de mouchage, toujours là. Ouais. Nounours. Nounours nous a quitté, il a raccroché, il a dû aller se coucher. Non, voilà. Mais alors, si j'ai plus de piche, je peux pas travailler. Mais tu fais de la rayée, hein, c'est tout simple. Tu prends un stylo, tu rayes le nom. Hein. Bah alors donc, voilà. Nounours, c'est plus là. Voilà, c'est bien. Et on a quelqu'un d'autre pour le remplacer, je crois. Bah, bien sûr. Encore une question sur le net, si on peut profiter, Gérard. Encore est-ce qu'un lieu de villégiature nordiste vaut plus d'argent qu'un site du sud de notre beau pays qu'est la France? De quoi? Est-ce qu'un lieu de villégiature nordiste vaut plus d'argent qu'un site du sud de notre beau pays qu'est la France? Bah, dans le sud, je sais pas, moi j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais je pense que. Je pense, oui. Mais si, t'y es allé. Ouais, non, mais t'as voyagé, pense... non, tu sais. Gérard. Non, mais je pense que là-bas, c'est vrai que c'est mieux. Attends, t'as déjà été en banlieue sud, dans le 9-4 par exemple? Dans le sud, ouais. Dans la banlieue sud de banlieue Paris. Sud, c'est 9-4 quoi. Ouais. Mais Gérard, moi si tu veux, je t'invite en vacances. Hein. Qui? Bah, c'est Pierrot, là, à Sainte-Maxime. Non, mais c'est bon, Gérard, il y a beaucoup de gens. Ça me fait super plaisir, j'ai une pièce pour toi et tout, j'ai une cave en bas. Ouais, c'est ça, t'as raison. Gérard, il y a beaucoup de gens qui voudraient que tu réagisses et que tu répondes à la question. Ce serait bien que tu répondes au moins à une question. Bah, de toute manière, c'est des questions que je peux pas répondre, c'est tout, voilà, et voilà. Trop difficile. Donc, Boudin Rouge, comme par hasard, encore de retour. Alors salut, mon pote. Ouais, alors lui, je sais pas qui c'est qui t'a sélectionné, mais c'est Max. Quoi? Non, c'est pas Max. Si, c'est Max qui a fait le standard tout à l'heure. C'est toi qui l'as sélectionné? Ouais. Non, il est déjà passé plus d'une fois. Hein. Ah, on ne le savait pas. Bonsoir, monsieur Boudin. Merci, au revoir, Boudin Rouge. Mais non, arrête, Gérard. Qu'est-ce que j'ai dit, il a dit bonsoir, c'est tout ce qu'il a non, dit. Non, non, attends. Alors là, je préviens tout de suite. Ah non, non. Oh là là. Non, non, mais oh, là, je vais te dire une chose. Oh, t'es fatigué. Si t'as pas écouté, Max, je veux dire, c'est dommage. Non, mais on avance pas, là. Non, non, mais Max, on avance pas. Il y en a un qui vient de balancer mon nom de famille à l'antenne. Mais non. Mais non. C'était tout à l'heure, ça. Il a dit Monsieur Boudin Rouge. Bon, ouais, ça intéresse personne de savoir que Gérard s'appelle cousin. Je veux dire, ils sont 8 millions. Merci, Esteban. Merci, Esteban. Pardon, pardon. Oh, ça va. Bonsoir, pour pas le dire. Est-ce que j'ai une question sérieuse? Merci de taper. J'ai une question sérieuse. Est-ce que les vacances, le terme, est différemment usité dans tous les pays de Vendée, de jusqu'à Lille, sans anecdote? Oui. Voilà. Mais non, mais explique. Développe. Ouais, arrête, parce que toi, déjà, tu viens de balancer mon nom à l'antenne. C'est pas moi. Maintenant, je savais même pas que tu t'appelais cousin. Maintenant, c'est terminé. Bon, Abdel, on y va. Terminé. Allez, DJ Abdel. DJ Abdel, il est pas dedans. Vas-y, allô, avec tes gentils. Allez, une de mix. Allez. Balance en scratch, là. La dernière, là, au taquet, là, qu'on fasse péter l'audience, là. Avec ton chico. On a besoin de toi, Gérard. Eh putain, vous commencez à me casser les. J'ai mal, mon débat, pas fini. Tu gères mal, là, ouais, c'est clair ce soir. Boudin Rouge. Ouais, c'est moi, ça va. Ouais, t'as déjà participé. J'aime pas trop ceux qui ont déjà participé dans le débat. C'est toujours bien passé entre toi ballon et moi. Ballon. Bonsoir. Bonsoir, ballon. Ah, une meuf. Salut, ballon. Ah, ballon. News Toto. Salut. Et sac de mouchage. Toujours là. Alors, dernière fois que je répète la question, pensez-vous que les locations sont moins chères hors saison terminée? Ouais. Alors, Boudin Rouge. Moi, je pense que ça fait un peu. Bah ouais, évidemment, c'est. C'est drôlement moins cher, c'est un peu comme les fruits hors saison ou les légumes hors saison que t'achètes quoi au marché. Ouais. Donc mettons là, imagine t'es en plein hiver et tout, tu veux acheter des pêches. Et bah, hors saison. C'est tout de suite moins cher. Bah c'est exactement la même chose pour les locations en vacances quoi. Exact. Mmh. Ouais. Ballon rond. Bah c'est tout à fait ça. Moi je vois, j'habite à Trouville et l'hiver c'est beaucoup moins cher que l'été. Hein. Mmh. Voilà. Par exemple. News Toto. Ouais, hors saison, oui, c'est clair que c'est moins cher parce que rien que la Côte d'Azur, tu prends l'exemple de la Côte d'Azur, bah les villas sont carrément plus chères en l'été que en hiver, quoi. Hein. Ah bah voilà la question que j'attendais. Ah bah voilà, tu vois. Attends, on va laisser. Bien répondu, je trouve. Sac de mouchage. De mouchage, ouais, bah c'est sur la côte, c'est plus cher, mais à la montagne, moi je me souviens, une fois j'avais voulu louer des skis au mois d'août l'année dernière, et j'avais eu 10% de rabais, hein, parce que c'était pas la saison, donc j'avais les skis moins chers, quoi. Attends, tu loues des. Ah ouais. Bah d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'étais à Courchevel, et voilà, j'ai. À Courchevel. Courchevel. Courchevel, espèce d'abruti! Ah non, mais attends, c'est peut-être pas la même station, attention. De toute manière, les. Ça existait, Courchevieille, hein. Bah non, oui, ça existe pas. Si, Gérard, si, ça existe bien sûr. C'est une mairie moche. Bah bien sûr, c'est dans les Alpes Atlantiques, tu connais pas? Bah alors. Dans les Alpes Atlantiques. Bah oui, attends, Courchevieille, c'est une petite station, hein. Oh là là, putain. Attends, il y a 3-4 pistes violettes, mais tu peux t'éclater quand même, hein. Oui, t'es de Kaboul. Putain, merde. Ah, t'es de Kaboul. Ouais, c'est ça. Allez, arrête tes conneries, tu vois, ça vaudra mieux. Gérard, il y a. Je peux même prendre le tir tes fesses. Bon, gueule! Il y a Jean Bonneau qui voudrait poser une première partie de question. Mm-hmm. Est-ce que je peux te la poser? Dans ton cul. Est-ce que tu. Ah, il y a eu un doublon, là. Un double mixphone. Ah ouais. Est-ce que tu. Un double dans ton cul, là. Le mix suprême, là. C'est gay ou quoi? Une babelle. Allô, il y a un blanc. Oh, alors, Gérard. Je vous préviens! Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Question de monsieur Cousin. Ah, ça vient pas de moi, voilà. Ça. Allez. Donc, c'est simple. Donc, on va mettre un disque. Encore. Putain, merde, j'en ai marre. J'en ai rien à foutre. Mais ouais, mais tu rigoles, Gérard. Je ne veux rien savoir! Gérard, t'as le nœud de ta chaussette de ta cravate qui est défait. Une belle cravate fil d'art. Vas-y, wesh, Abdel. Oh là là là là. Gérard, allez Gérard. Ouais. Hey, n'oublie pas que tu t'arrêtes pendant 3 mois après. Ouais. Allez. Ouais, Gérard. Après tu pars en vacances. Je pense que là. Déjà c'est beau. Là vous êtes en train de vous foutre de ma gueule tous, que ça soit Pedro, Esteban, Hervé, Céline. Ah. Je pense que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Vous voyez que c'est la dernière. Vous avez envie de me faire chier un maximum. Arrête, je fais que passer des disques. Vous savez qu'on va finir à 4 heures. Donc vous avez l'intention de me casser les couilles jusqu'à la fin. Mais moi, je vais vous dire une chose que je ne vais pas me laisser faire. Ça va être clair. Bravo. Énorme. Ça va être clair. Ouais. D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant. On va peut-être finir la question, ça fait un quart d'heure qu'on est dessus. Hein. Non, non, mais on reste sur celle-là. J'en ai marre. On reste sur celle-là. Arrête. Et tant que j'ai pas répondu. Tant que j'aurais pas répondu. Il y a une pierre sur la table. Il y a un pavé. C'est tant que j'aurais pas répondu à ça. T'es à ton micro. T'es à ton micro déjà. Ça. Merci. Je t'ai dit d'éteindre le micro. Eh punaise. Oh. Mais vous allez pas me faire chier jusqu'au bout, hein, là. Alors, tu fais semblant, là, tu fais ton cinéma, ouais, c'est pas cool. Pour... Voilà. Ouais. Bon, on reste sur la même question, on va jusqu'à 4 heures avec la même, alors. Non, parce que tant que j'ai pas répondu, et tant que... Réponds maintenant, qu'on en finisse. Vas-y, alors, les auditeurs, on les gère, et voilà. C'est quoi la question? Non, mais de manière, News Toto. C'est là, je crois. News Toto. Oui. Ouais, on écoute ta réponse. Il a déjà répondu. Ouais. Donc, on attend ta réponse, GG. On attend tous ta réponse. Hein. Ouais. Non, mais je sais pas, toi, t'avais parlé de quelque chose tout à l'heure qui me semblait bizarre. Non, de la Côte d'Azur. Moi, j'ai parlé de la Côte d'Azur. On était tout à fait en osmose, GG. Moi aussi, j'ai un kyste. Hein. Non, on est en osmose, GG. Hein. Au revoir. Pourquoi? On va le dire au revoir. Hop là, on va le gérer. Voilà, maintenant, réponds à la question, Gérard, ça serait bien. Donc moi je peux vous dire une chose pour ballon rouge, boudin, ballon rond, boudin rouge et sac de mouchage, s'ils sont toujours là. Donc pour moi je peux vous dire une chose déjà pour commencer, hors saison, c'est deux fois moins cher qu'en plein été. D'accord, t'appelles quoi là hors saison, c'est de quand à quand? Hors saison, c'est-à-dire de septembre à octobre. Hors saison, tu peux partir quand tu veux. Donc septembre, octobre, voire novembre, mais tu payes deux fois moins cher qu'en plein été. D'accord, mais c'est dans tous les pays pareil ou c'est où? Bah ça dépend. C'est sur Paris, Marseille, non? Il y a des villes. Ça dépend de là où tu veux aller en vacances et c'est tout. D'accord. Genre, je peux te poser une question. Les mois, tu dis septembre. Les mois en bœuf, c'est là où on peut manger des moules? Pas spécialement. D'accord. T'as un exemple de prix en euros, par exemple une différence de prix qui peut y avoir? Non, t'en as pas. T'as bien préparé le débat donc. Non, je sais pas. Grille tour de tourpipe là, de gypse sur Eiffel. Oui, c'est grille courte pipe. Bonsoir Gérard, vous allez bien? Ça s'appelle foot. Bonsoir, je m'informe. Très bien répondu. Très très bien répondu. Ok, Gérard. Allez. Bon, donc tu veux répondre à la question avant qu'on mette tout nu et tout bronzé? C'est la question d'il y a 20 minutes là. Ouais, c'est la question d'il y a 20 minutes. Je pense qu'on va passer à la suivante. Gérard, tu vas dire la suivante. On va passer non, à non, mais attends, il va déjà répondre à celle-là. Bah moi je pense qu'hors saison, effectivement, c'est un petit peu plus cher que plein de saison. Mmh. Parce que plein de saison, bah, ils gonflent les prix, normal, pour la caillasse, quoi, pour faire de la caillasse. Et hors saison, il n'y a pas grand monde, que ce soit sur la côte, un petit peu partout, quoi. Ouais. Mmh. Ah, t'es d'accord, Gérard? Non, mais à mon avis, je pense que tu te trompes complètement. Moi, à mon avis, je pense. Moi, je pourrais, si j'avais l'occasion de partir en vacances, je partirais pas pendant c'était là maintenant. Tu partirais où? Je partirais plus après. Parce que déjà une. Il y a une. Oh, laissez-moi parler. Voilà. Déjà une pour commencer. Il y a trop de monde et ça serait chiant. Donc je préfère partir hors saison. C'est deux fois. T'es deux fois plus tranquille. T'as moins de monde. Ouais, d'accord. Ouais, déjà il y en a qui partent. Et c'est vrai que je peux vous dire une chose. Qu'il y a des gens qui partent déjà début juin. Qui partent début juin et donc on est largement plus tranquille avant que toute la troupe des grandes vacances arrive. Donc on va faire un petit point sur le net pour savoir combien qu'on est. Alors sur le net on est actuellement j'ai même pas dit, tu vois, on est à 20 333 et regarde le chiffre est ici. Tiens. 20 333. Ananas. Eh ben mon cochon. Non mais ça mérite des applaudissements. C'est énorme. Non mais par contre. Et on a fait que deux questions, hein. Il reste encore 2h15. Eh par contre personne a répondu à la question comment que ça se fait que je fais plus de monde que Max. Personne n'a répondu à cette question. On est en train de relever les questions, on va les assembler. On est en train de faire une sorte de sondage et on les répondra en pourcentage parce qu'il y a trop de réponses pour que ce soit vraiment valorisé. Déjà, on est à 20 333, il est 1h46 du matin. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on tient jusqu'à au moins 4 heures. C'est quoi ton objectif ce soir? 3 grammes, combien d'auditeurs? 30 000, 40 000, 50 000? Fixe-toi un objectif. Vas-y, on va essayer de l'atteindre. On va être là pour t'aider. On va tenter les 40 heures. Rien que pour casser la baraque. Mais faudrait que je jette un petit œil. Attends, Gérard. Apparemment, le standard explose. Ah, c'est énorme. C'est super. Il y a les 24 lignes qui sonnent. Alors, la question. On n'a jamais vu ça. Alors, à votre avis, faut-il partir? Non. Croyez-vous que les campings sont bien protégés? Et on va s'écouter, tout nu, tout brosé de UV40. Et on se retrouve tout de suite après au 0803, 0825, 08 5000. Et pour les Belges, 0833, 825, 08 5000 et www.funradio.fr. À tout de suite. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barbare de la bande FM sur Fun Radio, DJ Abdel. Et voilà, bonsoir, rebonsoir à tous. Donc, un petit coucou à Monsieur Evan. Abdel. Bon, c'est bon. On peut le saluer. Merci. Tu peux lui dire merci, tu fais son imitation depuis tout à l'heure. Donc, voilà, donc j'ai eu petit Evan au standard qui était. Au téléphone. Donc, qui me dit que sur la A71, c'est fluide et qui se dérouge en direction d'Orléans. C'était le point de circulation avec Gérard. Voilà, donc c'est Evan qui m'a dit de le dire, donc on l'embrasse très fort. Voilà, sur la couille. Donc, c'est ouais, Evan, ton animateur favori, entre 1h et 4h. Du matin, oui. Du matin. D'ailleurs, j'embrasse sur la couille. Voilà. Donc, on est de s'écouter tout nu et tout bronzé. Donc, j'espère que Evan va se retrouver bronzé. Mais pas tout nu dans sa voiture. Donc voilà, si l'écoute, il peut me rappeler. Il n'y a pas de problème. C'est trop fort. Donc voilà. Voilà, bon, super. Merci. Alors, on a qui? Alors, Boudin Rouge. Boudin Rouge. Boudin Rouge. Je crois qu'il a raccroché. Ah, il a raccroché, je crois. On va le rappeler. Qui c'est qui nous reste? Passe à la suite, ok. Alors, Bikini Lover 101.9. Allô, Bikini? Bikini! Non, il est parti là! Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu viens? On a le problème au standard, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là au standard? Ici, il y a quelqu'un qui est là. Il est parti, mais on va le rappeler. Enfin, il s'est écouté. Non, mais attends, Hervé, t'es pas tout seul. Céline, s'il te plaît! Gérard, une question peut-être, profites-en pour faire ton métier. Donc, on est combien sur le net? On est. Aïe. Oh non! Mais Abdel, c'est Jamel au standard ou pas? Abdel? Non, mais merci, Esteban! Non, mais Esteban, c'est pas grave, on va chercher Céline, t'inquiète pas, Esteban. Esteban, hein, merci de me donner le chiffre sur le net. Je viens de te le donner. Non. Si, tu l'as pas écouté. Moi, je l'ai très bien entendu. Je viens de te le donner, tout le monde l'a entendu, 20 334. Exact. Oh là là. Presque. Ouais. Presque, on en est à la moitié, il reste encore 2 heures. Tu vas te jouir, là. Putain, alors, donc, on a toujours Ballon Rond, que je viens d'entendre. Toujours, ouais. Gris, Tour de Pipe. Tu peux dire Tour de Pipe, Sandra. Gris, Courte Pipe. Bah, Sandra, elle est pas là. Gicle sur Yvette. Sandra. Bah, je sais pas où qu'elle est, elle doit être dans les bureaux, mais c'est pas grave. Mm-hmm. Boudin Rouge. Toujours pas. Ah. Et qu'est-ce qui se passe au standard, Hervé? Oui. Hervé, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il y a Céline. Merde. Céline, bouge. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Boudin Rouge. Attends, Gérard, bouge, on va gérer. Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas simple avec des moignons. Allô, GG. Mais non, mais j'ai Boudin Rouge, Ballon Rond. Boudin Rouge, j'ai pas là, donc. Bah si, Ballon Rond. Il y a une question de Jean Bonneau. On en profite peut-être pour faire une question de Jean Bonneau sur le net. Pour partir en vacances, Gérard, est-ce que tu passes toujours par le Mont Blanc pour chevaucher les plaques de verglas? Non. Et de toute manière, ce que j'ai entendu dire que pour ce week-end, c'est malheureux pour ceux qui partent en direction de l'Italie. J'ai entendu dire que le tunnel du Mont Blanc était fermé durant le week-end. Voilà, pour information, pour ceux que ça peut intéresser. Surtout mes potzos, les routiers que je salue. Très, très, très fort. Et moi, je voudrais dire aussi un autre truc, c'est éviter de nous envoyer des faux sondages du genre, selon l'Institut Buvetta. Est-ce que vous pensez que Gérard est un bon animateur? La réponse, 100% des sondés ont vomi. C'est vraiment pas drôle et merci de... Ouais, ça nous pollue, ça nous pollue. Petit, ouais, et on est déjà pollué ici, alors nous polluez pas. Ouais. D'ailleurs, on va sortir un peu dansant, si on a. Esteban, si ça te plaît pas dans ces cas-là, tu fais pas de... Mais non, parce que c'est méchant, internet, c'est méchant pour et toi. C'est tout. C'est méchant pour toi. Non, mais moi je te dis, si ça te plaît pas, je pollue pas, d'accord? Gérard, okay. Bon, Bikini nous a rejoint, c'est bon. Tout le monde est de retour, on va pouvoir enquiller avec la question. Alors, Bikini Lover. Allô? Avec un portable et il est en train de rouler. Ouais, en direct de la route pour toi. J'écoutais ton message. Ouais, non, mais. Tu les aimes bien, c'est tes amis. Ouais, mais tu t'arrêtes, s'il te plaît, bikini. Bah ouais, mais il n'y a pas d'air de repos là avant 500 mètres, donc t'attends deux secondes là. T'es vers où là? Ouais, là, je suis sur la 3 là. Ouais, tu me copies là ou pas? Bon, bikini. Ouais, ouais, attends, bouge pas. Hop, je ferme. Non, bikini, bon. Bikini. Ouais, tu m'entends mieux là, Gérard? Bikini, oh, s'il vous plaît, les autres là, ballon et grille de tour de pipe là, vous vous calmez. Esteban. Esteban. Oui, oui, oui. Non, pas Esteban. Hervé, s'il te plaît. Je suis là. Oui, je suis là. Hervé. Oui. Tu me récupères bikini. Non, mais c'est bon, non. Tu dois bien m'entendre. D'accord, je vais voir quand il est carré et dès qu'il est garé, je te l'emmène. Ouais, okay. Mais c'est bon, je me suis garé là. Ça y est, c'est arrêté là, Gérard. Ah, Gérard. C'est bon, c'est réglé. Boudin rouge. Non, mais il y a toujours. Non, Boudin rouge est parti. Boudin rouge est parti. Donc il n'est plus là. Il y a sac de mouchage toujours. Il y a sac de mouchage, voilà, qui a pris la place de Boudin rouge. Alors donc, on a ballon. Ballon rouge, ouais. Ballon. Gris tour de pipe. Oui, bonsoir. Ouais. Bikini lover. Ouais, c'est exact, GG. Et sac de mouchage. Bingo. Ok. Ok. Ok, donc, allez. La question, croyez-vous que les campings sont bien protégés? On va demander à Ballon Rond. Protégés contre quoi? Contrôlez. Merci Pedro de. C'est pas moi, c'est ton micro, tu parlais pas devant. Hein. Non, mais de toute manière, s'il y en a qui s'amusent à me couper mon micro pendant que je parle, ça va pas être bon longtemps. Contrôlez vol et tout ça. Ah ouais, non, mais il faut fermer ta caravane à clé, c'est tout. Hein. On t'a pas appris ça dans la gitanerie? Non, mais merci, j'ai déjà fait du camping, d'accord? Ouais, bah oui. Mais quand t'as une tente et pas de caravane, comment tu fais? Ouais, tu fermes ta tente à clé ou quoi? Ben, c'est là le problème, justement. Oui. Gris tour de pipe. Bah moi je suis pas trop camping, mais c'est vrai qu'ils sont clôturés, ils vivent entre eux. Mmh. Et par contre je voulais soulever le problème des conditions complètement insalubres des chiottes en fait publiques. Non, mais ça c'est crade. On va en parler quand même, j'espère. Ouais, tu fais caca dans la forêt, c'est pas grave. Ouais, ou dans la mer. Dans la neige. En plus, caca dans la mer. Non, mais ça vous amuse de dire des conneries comme ça? Ça vous amuse caca dans la mer? Non. Sac de mouchage. Franchement, moi j'ai habité un moment dans un camping parce que je m'étais fait expulser de chez moi, donc en fait j'ai habité au camping pendant un an en fait. C'est là où t'as appris à manier le chasse un peu. Voilà, c'est là que j'ai appris à taquiner le couteau, le larfeuille, tout ça. T'en as volé des poulettes. Ouais. Et voilà, c'est vrai que voilà, c'est un peu l'ambiance, tu sais, feu de camp, on égorge des poulettes tous ensemble, on se retrouve le soir, on joue de la guitare, tout ça. Top des caisses. Voilà, maintenant les conditions de sécurité, je veux dire, nous, on était chez les manouches, donc je veux dire, il y a personne qui s'amuse à venir piquer chez nous, quoi. T'avais des étoiles de ninja? Ouais, aussi j'ai des shurikens et tout, quoi. Donc tu vois le mec qui vient bébar chez nous, franchement on lui fait un sourire à la gitane et hop il repart chez lui, quoi. Est-ce que tu maîtrises en maquillage de voiture? En maquillage de voiture, ouais, je suis deuxième dame quand même. Donc s'il y a quelqu'un qui a du business, je suis preneur, quoi. Yes. Par exemple, GG, je pourrais te maquiller tes dents et faire croire que t'as encore toutes tes dents, tu vois. Alors je vais te dire une chose que je viens d'entendre, ouais. Toutes tes conneries, c'est pas bien. Non, t'as pas tout écouté, moi je suis témoin, t'as pas tout écouté. Attention, hein. Et justement Gérard, il y a justement par rapport à tes dents, et je trouve ça honteux que les gens se moquent de tes dents, il y a une question de Mégatonde qui dit: Gérard, sur le trajet des vacances, pour passer le temps, est-ce que tu fais des grilles de mots croisés avec tes dents? Et c'est vraiment pas drôle. Mais dis-le que c'est pas drôle, dis-le, Gérard, défends-toi. Il faut qu'ils arrêtent. Je préviens tout de suite. Voilà. Déjà, sac de moussage, on lui dit au revoir. Il y a beaucoup de gens qui disent dents pourries, ton débat. Voilà. Merci. S'il est pourri, ben tant mieux pour leur gueule. Si ça leur plaît pas, c'est le même prix. Dents pourries. Ah. Donc grille de pipe. Ouais, je suis grille là. De tour de pipe. Ouais, un petit conseil que je te donne. Pourquoi? Calme-toi un peu parce que je crois qu'avec avec sac de moussage. Vous êtes bien foutu de ma gueule? Pas du tout. Attends, on a parlé des campings, des camps de manouches, tout ça. Bah, c'est le débat, carrément, quoi. Mais pourquoi les gens parlent de tes dents au pluriel, Gérard? Je comprends pas, ça. Ouais. Ça non, mais de toute manière, je préviens. Non, c'est pas la peine de déranger le pluriel, quoi. Non, mais moi, je préviens tout de suite que grille de tourpipe. Oui. Tu t'es bien amusé. Tu t'es bien amusé avec sac de mouchage à bien vouloir déconner sur ma gueule. Non, mais moi, je te connais pas, hein. Ouais, non, mais bien. Tu me connais pas, mais tu t'appelles Tony, donc au revoir. Ok, on va dire au revoir. Au revoir. Okay, au revoir. Et celui qui s'amuse à mettre des je t'aime, ferme sa gueule avec. Ok, Gérard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire au revoir à Sandra qui est venue nous voir ce soir. Voilà. Au revoir à tout le monde et merci pour cette très bonne soirée et surtout écoutez Fun Radio. Ah ouais. De toute manière, ils sont branchés. Allez, on va lui dire au revoir, on va lui faire la bise. Allez. Au revoir. Allez, au revoir. On va la raccompagner. On se casse. Au revoir, on va te raccompagner. Il n'y a plus personne. On la raccompagne, non? Ouais, on la raccompagne. Bon, laisse ton casque. Bon, on y va, on se casse. Non, mais on la raccompagne, Gérard. Hein. J'arrête. Ciao, Sandra. Merci. Attendez, on la raccompagne. On la raccompagne. Oui, allez. T'as pas fait la bise à Gérard, Sandra? T'as pas fait la bise à Gérard, Sandra? Allez, Gérard. La, donc, bise, la bise, la bise, la bise, la bise, la bise, la bise. Ah, il va faire la bise. Et il essaie de lui attraper la bouche. Et ah, puis bonne vacances. Bonne vacances. Bon, on va essayer. Ah, le regard. Je suis bien les conseils de Gérard. Pars en vacances. Non, non, non, mais arrêtez vos conneries parce que ça commence à m'énerver, vos papiers de merde, là. Bon. Bon, maintenant qu'on a dit au revoir à Sandra, on est tranquille avec le reste. Bon, on a été où, Gérard? Ouais, c'est pas sympa, Gérard. Hein. Monsieur, allô, monsieur quelqu'un Gérard, qui apporte beaucoup de choses. Gérard, si tu pouvais allumer ton micro. Monsieur Gérard, m'entendez-vous? Oui, il est pas. Monsieur Mazur, je vous ai dit que je ne voulais pas de vous dans, lors de ma dernière. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, monsieur Gérard? Parce que j'en ai plus envie de vous entendre, parce que vous êtes sans arrêt en train de, d'en faire de trop. Écoutez, monsieur, donc monsieur c'est Gérard, tout. J'ai toujours été courtois envers vous, très respectueux de vos idées. Mais même, de toute manière, j'en ai marre, parce que vous restez trop longtemps à expliquer, à donner des réponses, et ça, ça m'énerve. Mais monsieur Gérard, vous devez apprendre à respecter ceci, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai pas envie de vous entendre lors de mes derniers débats, mais, c'est tout. Mais pourquoi cela? Expliquez-moi un peu mieux. Parce que c'est ma dernière de la saison et je ne sais, au mois de septembre, il n'y aura rien. C'est la bonne heure. Oh, monsieur, ça y est, ouais! Monsieur Gérard. Oh là là! Monsieur Gérard, à la bonne accident heure. Du travail. Terminons l'année en beauté, vous et moi, monsieur Gérard, et peut-être. J'ai dit non! Par la suite, pourrions-nous aller fréquenter quelques filles de voix afin de nous faire pomper le prépuce? T'as envie de casser de la puce ce soir, Gérard? Putain, mais c'est pas possible! Il y a des gens qui disent arrête de dire non, de toute façon, ils peuvent pas arrêter les gens, non, c'est pas dans le dictionnaire. Mais monsieur moi, Gérard, je les emmerde! Posez vos questions, je vais y répondre avec le plus grand des plaisirs, je vous écoute. Il y a une question de Mégatombe, jusqu'avant, Mégatombe, pardon, qui est une question qu'il faut une fois de plus que je ne poserai pas à l'antenne parce qu'elle est nulle et elle est méchante pour Gérard. Il demande à Gérard est-ce que sa jambe de bois peut servir pour allumer du feu de camp en camping. Ouais, c'est pas beau, et c'est ça. Nul, et donc merci de te déconnecter, Mégatombe. Ouais, déconnecte-toi. Monsieur Gérard, c'est scandaleux et vous avez toute ma sympathie. Voilà, la question, croyez-vous que les campings sont bien protégés pour la dernière fois à Bikini? Ouais, Gérard, bah, je vais te dire que bah ouais, ils sont bien protégés. Moi, j'ai fait plusieurs fois du camping hein, et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Hein. Il faut le savoir. Ah ouais? Ah ouais, jamais. Hein, on m'a jamais rien volé. Bon, j'ai pas grand-chose à voler non plus, mais non, aucun problème. Non, mais attends, c'est bizarre. Toi, t'étais sur la route et comme par hasard, t'es plus sur la route. Là, ah, c'est garé. Là, je me suis garé. C'est garé. Je me suis enfermé dans mes cabines. Là, y a pas de problème, Gérard. Alors, les routiers ont des cabines. Et toi, Gérard, t'as déjà fait du camping? Ben attends, je vais laisser répondre tout le monde. Bite de ouf. Oui, bonsoir. C'est bite de ouf. Bah moi j'ai fait du camping, effectivement. Bah, non mais alors là, j'aime bien là le, je préviens le délire camping. Stop. Voilà. Ah pardon, mon portable. Non mais c'est bon, Pedro. Ah ouais, c'est bon, je rallume. T'éteins ton portable, ah ouais, c'est bon. Direct, ça il éteint. Ouais. Alors je préviens. Vas-y, préviens un peu. Ça fait au moins 5 minutes. Ça fait au moins 5 minutes que t'as pas prévenu, vas-y. Non, non, mais le standard, bite de ouf, c'est Tony. Donc non, tu me le vires. Mais non. Allez, arrêtez vos conneries, c'est les mêmes. Je te promets, bon, Gérard. Allez, de toute manière, je sens que ça va être vite, le débat, il va être clos vite fait. Hein. Vite tôt. Combien qu'on est sur le site? On est actuellement 26 594. On continue à monter, c'est-à-dire que le débat est intéressant, il faut continuer. 26 600, attends. Après, tu fais des statistiques. 26 600, ben attends, dis correctement le chiffre. 26 694. 95? Oh là là, oh, mais tu comprends pas. Putain, mais 94, mais après tu fais des comptes. Tout le monde a compris. Hein. Ben ouais. Et il y a des gens aussi, évitez de demander si Gérard est de la même famille que Jack Nicholson, est-ce qu'il est lui aussi le résultat d'un mariage consanguin? C'est nul, quoi. Ça ne m'intéresse pas, en plus. Monsieur Mazur. Merci Pedro de me mettre les... Non, excuse-moi, je gère, parce que toi tu gères pas, je suis obligé de gérer à ta place. Oui, monsieur Gérard, m'entendez-vous? C'est monsieur Mazur à l'appareil. Je t'écoute. Oui, alors justement, je vous écoute, n'oubliez pas. Alors justement, pour répondre Très très rapidement à votre question, je dirais que le taux de protection dans les campings dépend du nombre d'étoiles qui sont attribuées à ces établissements, n'est-ce pas ? Moi-même, ayant très longtemps fréquenté des campings 4 étoiles, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Il y a des chiens ? Oui, tout à fait. N'importe quoi. Mais bien entendu, monsieur Gérard, vous ne connaissez pas cette classification. Faut pas que Tormène Sandier va se reproduire. Alors, ballon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Monsieur Mazur. Oui. Je vous préviens, c'est la dernière fois que je vais vous dire de calmer vos... quand je vous pose des questions, vous répondez correctement, d'accord ? Mais j'ai répondu tout à fait correctement. Donc moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, certains campings sont mal protégés. Il n'y a pas assez de sécurité. Oui, non, mais tout à fait, monsieur Gérard. Mais cependant, dans les campings qui bénéficient d'un... une classification 4 étoiles. Vous avez des vigiles qui patrouillent, monsieur Gérard. Non, il n'y a pas d'histoire de camping avec des étoiles, ça, chez moi, ça existe. Attendez, monsieur Gérard, si je peux me permettre, et sans trop entrer dans les détails, je détiens personnellement des stocks options de nombreux campings 4 étoiles partout en France, je puis vous assurer c'est que... c'est ça, bien sûr. Vous êtes directeur d'un camping 4 étoiles, c'est ça ? Non, du tout. Prenez-moi bien pour un con. Mais c'est pas du genre, Gérard, arrête. Vous le faites très bien vous-même. Non, mais monsieur Gérard... Alors, monsieur Mazur, je vous préviens d'une chose. Oui, monsieur Gérard. Soit que vous vous calmez, ou soit que je vous dis au revoir pour demain. Je suis tout à fait calme. Nous vous rappelons. Ah, on a coupé directement la personne qui a foutu sa merde. Donc, alors, quels sont les pays qui n'ont aucun succès ? Alors, 80% Bahia. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme ville. D'accord. 60% Saint-Marin. D'accord. 50% Cap d'Agde. D'accord. 30% Marrakech. Ouais. 15% Athènes. Ouais. Et quel est le moyen de transport préféré que préfèrent les vacanciers ? Ah. Alors, 70% le catamaran, donc le bateau. 50% la pétrolette, donc à mon avis ça doit être une mobilette. Ouais. 40% l'avion à réaction. D'accord. Le train à rail et le balai. Alors le balai, je vois pas ce qu'il a. C'est pour les sorcières. C'est Harry Potter. C'est Harry Potter, les sorcières. Ouais, c'est bon. Quels sont les loisirs que les Français aiment pratiquer en vacances? On verra ça juste après. Alors Gérard, toi pour partir en vacances, tu préfères quoi? Le train, l'avion? Qu'est-ce que tu préfères? Le train, le vélo, la mobilette? Non, moi, je préfère partir tranquillement en train, puis c'est tout. En train, voilà. Alors, par exemple, un trajet Paris-Sao Paulo en train, ça prend combien de temps à peu près ? J'en sais rien. Non, mais partir à l'étranger, ça m'intéresse pas. T'es jamais parti à l'étranger ? Eh oh, je t'écoute. Gérard ? Alors, je préviens tout de suite. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Esteban, tu arrêtes tout de suite tes conneries. T'occupes pas d'Esteban, occupe-toi. Non, mais moi, c'est moi qui commande, d'accord ? D'accord, ouais. Mais, sinon, Esteban, réponse... Tu ranges ton scotch directement et vite fait bien fait. Mais laisse-le. D'accord. Voilà. Hop. Cours vite, cours Esteban, cours. Et voilà. C'est bon, voilà. Le rouleau de scotch, tu ne l'auras plus. Voilà. Il a piqué le scotch. Ah, le voleur. J'en ai rien à foutre. De toute manière, maintenant, vous allez arrêter parce que sinon, le débat, il va être clos vite fait. C'est bien pas fait. Notre genre. Arrête, Gérard. Bon, alors. Donc, t'es jamais parti à l'étranger. Gérard, je te posais une question. Est-ce que t'es déjà parti à l'étranger? Non, je t'ai dit. T'es jamais parti à New York? Bah, New York, c'est pas des vacances, d'accord? Ah, ouais, mais c'était pas l'étranger? Bah, à l'étranger, c'est la question qui arrive après. Ah, c'est-à-dire, vas-y. Préférez-vous partir à l'étranger, en vacances ou pas? Alors, on écoute, je sais pas, tu veux écouter qui d'abord? Pour la réponse. Pour l'instant, celui qui s'amuse à mettre de la musique. Bon, allez hop. C'est simple. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Arrêtez les sons, s'il vous plaît. Ah, mais y a pas de son, là. Voilà. Non, mais. Voilà, si on pouvait arrêter le standard, là. Si on pouvait arrêter de rire aussi. Oh Céline, s'il te plaît. Et si tu pouvais arrêter de crier, voilà. On prend qui d'abord? Il y a qui est là? Répète la question, Pedro, s'il te plaît. Ouais, alors préférez-vous partir en vacances en France ou à l'étranger, c'est ça? C'est ça, Gérard? Non, c'est pas ça. Alors c'était quoi? Gérard, on t'écoute. C'est préférez-vous partir à l'étranger ou pas? D'accord. Et on accueille Chico d'Ajaccio. Chicos. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Chico. Oui, bonsoir monsieur Chico. Ça va GG? Ça va. Ça va, bon, allez vas-y, on va enquiller avec les réponses. Bite de ouf. Bite de ouf. Tu l'as viré, tu l'as viré. Bah alors. Faudra peut-être en prendre d'autres. T'as pris trop de café. Hey. Là. En train de prendre. Ouais, non, mais pas. Oh. Céline, elle aime bien prendre, Gérard. Ouais, non. Attendez. Là, moi, je crois que je vais arrêter tout de suite le débat. Faut filtrer, Gérard. Ouais, non, non, mais... Non, non, mais je crois que je vais arrêter là. Tout mais non, mais Gérard. Non, mais c'est bon, Gérard. On le prend au fur et à mesure. Non. Mais qu'est-ce que t'as encore ? Gérard, je t'explique. Non. Gérard, je t'explique. Non, mais moi, je te... Attends, c'est moi qui commande. Tu me laisses mon micro allumé, d'accord ? Alors, tu me laisses parler un peu quand je te dis. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Il y a 4 personnes à l'antenne. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Non. Que les 4 personnes qui sont à l'antenne, vous les avez pris. Vous avez Monsieur Mazur, ok. Bikini, c'est un autre. Arrête. Eh hey, oh Gérard, hey, c'est du matériel. Arrête ton cinéma, franchement. Oh là là, Gérard, il est encore parti. Bon, vas-y, oh, c'est vraiment ridicule. Oh, mais t'as pas bu, Pedro, t'as pas bu. Ah non, mais moi, je vais faire comme si. Hein. Alors, c'était quoi sa question ? Alors, on va prendre les auditeurs, on va gagner du temps. Moi, je peux le faire si vous voulez. Avez-vous déjà ? Non, c'est quoi ? Bonsoir. Alors, attendez, je cherche la bonne question. Ok, merci. Et préférez-vous partir à l'étranger ou pas ? Ou pas. Alors, on va prendre qui d'abord ? Monsieur Mazur qui va répondre en premier. Monsieur Mazur ? Allô ? Ah, monsieur Mazur. Hop, terminé. Hop. Le débat est terminé. Oh, Gérard ! Mais non, Gérard. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Regardez, le standard est sonné, il n'y a personne qui prend des auditeurs. On est là, et hop, c'est terminé. Ah, t'es avec moi. Mais Gérard, il y a plus de gens. Mais vous prenez rien, arrêtez, merde ! Benoît ! Vous faites chier ! Vous faites chier, vous verrez. Ta gueule. Et Gérard, tu fais ta star ce soir. Hein. Gérard, arrête ton cinéma, ça fait 4 fois que tu parles. Tous les gens sont choqués. Oh, et tous les gens sont choqués. Hein. Je suis choqué. Hop, un autre. I'm shocking. Tu vois, partout, il y en a. Ouais, tiens, mon cul. Ouais, ton cul. Vas-y, shocking. Je peux te voler chaque 4 heures. Mais t'es pas capable. Il y a un de long. Non, non, c'est fini. Non, mais on va faire le débat à sa place, tant pis. Vas-y, bah, qui s'en aille. Ah, bah ouais, franchement, on peut assurer sans toi, tant pis. On fera un débat moins bien, mais tant pis. Attends, toi, tu fermes ta gueule, d'accord ? Allez, mais ton portable, tu l'éteins ! Eh, hey, tu touches pas mon portable ? Là ? Eh, hey, oh, est-ce que je touche au tien ? T'éteins ton portable ! Je touche au tien ? Voilà ! Non. Gérard, ça coûte cher le téléphone, Gérard. Enfin, là, vous êtes chiés. On a d'autres personnes. Non, mais de toute manière, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous regarder, vous prenez aucun auditeur. Vous remettez les mêmes. Alors, terminé ! Gérard, tu fais du cinéma, tous les gens sont choqués, ils sont en train de se déconnecter. Il y en a beaucoup qui, pour la première fois, j'ai des réactions des gens qui ne te veulent plus en septembre sur Fun Radio. Et alors, de toute manière, c'est pas eux qui commandent, c'est Victor. Et de toute manière, Victor, il sait comment que je travaille. Voilà. C'est tout. Mal. Et c'est pour ça qu'en septembre, je vais revenir vous casser les couilles. Ouais. Ah bah c'est... Mais pas avec la même équipe. C'est clair que tu vas bien nous les casser. Bon. Non. Si. Si. C'est moi qui commande. Alors, on a signé le contrat. Qui commande. Alors donc, maintenant, on va remettre le disque. 212, on met le disque, c'est terminé. Tu balances le disque, j'ai pas la musique. Donc tu balances un disque et je veux savoir les autres auditeurs. Et pas les mêmes. T'as oublié de claquer des doigts aussi. Il y a une chose que je vais prévenir au standard. Arrêtez. Fais le standard, Gérard. Arrêtez quand je vire un auditeur. Arrêtez de le reprendre sous un autre nom. Non mais Gérard, il y a un truc que tu comprends pas, c'est que tu fais pas le standard. Non. Donc en fait, Hervé va prendre ta place et toi tu vas faire le standard. Moi, je vais te dire une chose, que je suis pas d'accord. T'as vu combien Je suis pas d'accord non plus. On est 407. Ah, 407. Et 407. Et tu déçois tout le monde avec tes réactions de stars. De foyeux. Ouais, franchement, Gérard, assure un peu. Tu vas faire le standard. Manière, toi, tu vas fermer ta gueule. Ouais. Et tu vas arrêter de me couper mon micro. C'est pas mon genre. D'accord ? Ouais. 403. Hein ? Ouais. Parce qu'avec ton t-shirt Adidas, ça va. Okay. 401. Ça va. On baisse, hein. Ça va, on en perd un. Mais je m'en fous, Ah ouais, mais tu t'en fous, mais les gens finissent par s'en foutre. C'est pas toi aussi, qui me commandes. C'est pas toi qui me payes. Bah ouais. Bon, alors tu fermes ta gueule et c'est tout. Bah j'ai 50 euros dans ma poche. T'envoies le disque. Et t'as oublié quelqu'un des doigts aussi, hein. Ta gueule. T'as vu ses doigts ? Ouais, pourrais pas. Des moignons. Ah là là. Rien du tout. Non, c'est quoi ? Attends, t'as le titre là, normalement. Ah bah merde, excuse-moi, c'est moi qui l'ai été annoncé le titre. Allez, Gérard, c'est quoi le titre? Enchaîne. Non, c'est Pousse-moi, j'ai des dents pourries. Bien sûr, connard! Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique! Celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Bon. Rebonsoir, suite et fin. Suite et peut-être fin du débat. Il y a deux personnes qui applaudissent. Donc voilà, donc on venait de s'écouter Pedro, s'il te plaît. Bah, t'as la fiche, non ? Non, j'ai pas les fiches. Ok, c'était Placebo avec Special K à l'instant. Et le premier ? C'était voilà. pas du tout. Moi, j'ai pas du tout les fiches. Non, non, mais de cette manière, c'était pas du tout le titre qui était annoncé sur ma fiche. Donc voilà. Ah bah écoute, je sais pas alors. Donc voilà, donc malheureusement petit problème avec le standard et puis sur le site internet. Donc Max n'était pas là quand ça s'est passé. Malheureusement. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des auditeurs qui se sont amusés à revenir sous d'autres noms et donc on a été forcé de couper un bon bout de temps. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on a peut-être chuté sur le net et donc malheureusement voilà. D'accord. Donc on va continuer encore une demi-heure. Non, 5 minutes. 20 minutes. 20 minutes, pas plus. Ah bah attends, si t'es pas dedans, si tu veux pas. Ton temps à gueuler, moi j'ai eu un appel de mon pote de Victor, il dit si c'est pour partir toutes les 5 minutes, on arrête. Hein. Ouais. Eh bah dans ce cas-là. Non, il dit 20 minutes, on fait 20 minutes parce que tu tiendras pas une demi-heure. Ben, ouais. Ça dépend, je peux peut-être tenir plus, mais ouais, on sait pas. Ouais, je suis pas sûr que tu sois capable. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que Gérard est totalement incapable ce soir de faire plus de 20 minutes. Ouais. Incapable. Ouais. Tiens, et j'en n'y crois pas. Incapable. Ouais, bon, on verra. Déjà sur le net, c'est déjà moi. Pour commencer, tu vas te calmer. Hein, parce que vos questions cons et tout ça, j'en veux pas. Hein, donc ça va être clair et c'est tout. Voilà. Donc j'espère que ça va remonter et que au standard ça va changer un petit peu. Et voilà, donc on va accueillir pour ça Clément de Cannes. Bonsoir Gérard. Attendez, hop là, on va gérer. S'il vous plaît au standard ce qui se passe. Il y en a qui a une ligne pourrie. Hein. Clément a une ligne pourrie. D'accord. Si vous pouvez juste le récupérer. Hein. Non mais on s'en fout, prends-les tous et vérifie qu'est-ce qu'il y a une ligne pourrie. Hein. Voilà, on va gagner du temps. Non, je parle un peu ça, mais... Voilà, Max est en train de parler, on est en train de broder. Gérard, on a des questions sur le net qui voilà, concernent l'étranger. Sur les auditeurs, est-ce qu'on pouvait avoir des auditeurs qui, par exemple, partent en Europe, en Asie, pas forcément toujours en France? Non, mais c'est quoi comme question qui voulait poser? Non, mais je veux dire des gens qui partent en vacances, qui sont concernés par le débat, et qui partent aussi à l'étranger, pas uniquement des gens qui... Parce que depuis le début du débat, on a que des gens qui partent en France. Donc si tu pouvais faire un appel. Non, mais justement, c'est préférez-vous partir à l'étranger ou pas? Ah bah pas, génial. Préférez-vous partir à l'étranger en vacances ou pas? Donc voilà, donc on parle pas uniquement que de la France. Hein. Nickel. Donc voilà. Donc Clément, c'est bon au standard, s'il vous plaît. On peut pas régler le problème. Hein. Le standard, Clément, on peut pas. Donc, Pauline. Non mais attends, on peut pas les prendre. On peut pas tous les prendre. On va tous les mettre en attente. Comme ça, on va gagner du temps. En fait, c'est Pauline qui a une ligne pourrie. Voilà. Donc, c'est laquelle la ligne pourrie? C'est sur quelle ligne, s'il te plaît? La boule. La c'est 8. Sur. La 8. D'accord. Donc, hop là. Qui est-ce qui est sur la 2? Vas-y. Y a Clément. Clément. Non, il y a quelqu'un qui est là. Qui est-ce qui est là? Alors moi, je suis là. Bonsoir. Voilà. Déjà. C'est qui? C'est Prévention Croutière. Bonsoir, GG. Bonsoir. J'appelle de Madalascar 117.7. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. François. Ouais, bonsoir, c'est François. Bonsoir. J'appelle de Tombouctou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Pauline est de retour. Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Clément, non? Non, Clément, c'est mort, il avait un bruit trop sourd. Voilà, par contre, il faudrait gérer celui qui est en train de. Dans cette l'antenne, avait prévenu les mecs là. D'accord, ok. C'est qui? Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qui est là? Une fois, deux fois, on va le zapper, hein, sinon ça va aller très vite. Ah, bah de manière, faut le zapper tout de suite. Tout le monde est là. Ok, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ok, tout le monde est là. Ok, vas-y. François, arrête de jouer tes gros bras, d'accord? Ok. Ok, on va enquiller avec la question, Gérard. Allez, on a une question internet, peut-être juste. En quelle année, à quelle époque démarrèrent les premières vacances? Oh là, je sais pas du tout. Hein. À peu près. Bah, je sais que les congés payés ont commencé en 73, ouais. Ouais, les premiers congés payés ont commencé en 73. Exactement. En fin de compte. Hein. Il y avait des congés pas payés avant? Ouais, mais avant c'était pas pareil. Donc ouais, c'était un peu des vacances quand même. Hein. Donc c'est pas le thème de. Donc on est combien là sur le net un peu? Eh ben écoute, on est remonté puisqu'apparemment c'est bien redémarré depuis 8 minutes. On est remonté à 9191. Ok. Et donc on accueille Jérémy le vacancier de Lavandou 102.8. Ouais, salut GG, salut tout le monde. Bonsoir Jérémy. Bonjour Jérémy. Mmh. Bonsoir. François, tu te calmes s'il te plaît parce que sinon ça va pas aller. D'accord. Donc alors, préférez-vous partir à l'étranger en vacances ou pas? Donc on va demander à François, parce que comme il a une grande gueule. Oui, c'est clair que je préférerais partir en vacances, mais cette année, j'ai pas trop eu le choix. Je dois rester à Paris pour travailler, donc cette année, ça va pas le faire. Ouais, dommage. Prévention? Prévention croûtière, écoute, moi, je vais partir en Amérique du Sud, donc en Guinée orientale, donc je suis plutôt pays étranger, quoi. Ouais. Histoire de prendre un peu le soleil, parce que t'as vu le temps qu'il fait, si tu restes en France, tu prends pas le soleil, quoi. Bon, ça dépend, hein. Peut-être que la deuxième quinzaine de juillet sera meilleure. Mais là, reconnais que c'est mal barré, quoi. Faut mais attendre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette météo un petit peu? Non, mais attends, on en rediscutera après. Okay, Jérémy d'accord. Ouais, moi, Gérard, je pense que c'est mieux de partir à l'étranger pour découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux pays. Mmh. Et que c'est vrai que pour le temps, c'est mieux de partir à l'étranger que de rester en France. Mmh. Et Pauline? Moi, je crois que c'est important de découvrir le monde. Et moi, je suis plus Afrique orientale, tu vois, Viet Minh, tout ça, toute cette région-là, quoi. Mmh. Non, mais moi, je pense que... pour répondre à... C'était parmentier croûtière, là. prévention croûtière, ouais. Ouais, prévention croûtière, donc tu me parlais du temps. Bon, de toute manière, faut bien te dire une chose. Tu vois, là, en fin de compte, c'est vrai que tous les ans, c'est la même sérénade par rapport au temps. En fin de compte, c'est qu'on a un temps pourri les premiers jours de juillet, c'est-à-dire la première quinzaine, et pour dire qu'après le temps revient super bien, et donc à partir du 14 voire 15 vers la mi-juillet, on récupère un soleil, mais pas possible. Gérard, il y a quelqu'un qui vient de réagir en entendant quand tu as dit il faut laisser le temps. Beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait Didier Barbelivien sur notre antenne. Est-ce que tu pourrais nous chantonner juste un petit clin d'œil? Il faut laisser le temps chanter. Juste non, ça. Il faut laisser le temps au temps. Non mais chante-le juste. Je veux la petite phrase. Ça fera plaisir à beaucoup d'auditeurs. Il faut laisser le temps au temps. Voilà. Non. Voilà, c'est tout. Répète-le juste ça. Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser le temps parler librement et le temps au temps. Voilà. Mais chante-le. Non, je le chante pas. Non. Pour me faire plaisir. Non, on va pas recommencer, sinon on va arrêter le débat et ça va être vite fait. J'ai envie de continuer un maximum et comme c'est la dernière de la saison, je pense qu'on va arrêter à 3h et puis c'est tout. Je pense, mais je vais voir. Je vais voir comment que ça se passe avec les auditeurs. Donc, alors, préférez-vous partir à l'étranger ou pas? Donc, en vacances Alors, préférez-vous partir à l'étranger en vacances ou pas? Donc, moi, personnellement, à part New York, mais ça, c'était pas des vacances, c'était pour aller voir le film Godzilla en avant-première. T'as travaillé dur? Pour, tu dis que c'était pas des vacances, donc t'as travaillé. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, pour aller voir le film Godzilla, donc c'est pas des vacances pour moi. Personnellement, c'est une petite détente. D'accord. Donc c'était pour aller voir le film en avant-première, mais ce n'est pas vraiment des vacances. D'accord. Les vacances, pour moi, partir à l'étranger, c'est partir, comme j'ai dit, mercredi quand je suis venu. C'est donc c'est de partir quasiment 2 mois, voire 3 semaines, comme Lily va faire partir à Ibiza et tout ça. Donc partir à l'étranger, c'est partir 2 mois. Disons partir soit 2 mois ou soit 3 semaines dans d'autres pays que bien sûr Paris, parce que c'est vrai que durant juillet août Paris on sera moins pollué, il y aura moins de monde. Ouais. Mais Gérard, ouais. Une question, parce que j'ai noté quelque chose dans ce que tu viens de dire qui est vachement intéressant. Tu viens de dire Paris est un pays. Est-ce que tu penses pas que c'est une réaction de ta part qui est un peu justement vachement centrée comme ça vers un ethnocentrisme qui est vraiment la caractéristique type de ce qu'on peut entendre en Île-de-France? Disons Paris, je dis Paris, mais l'Île-de-France, c'est l'agglomération des autres départements, donc le 92, tout ça. Mais c'est vrai que partir comme ça, tu pars par exemple, tu vas prendre une tente de camping, tu vas aller admettons à du côté de Boulogne. Par exemple Rambouillet, par là dans la forêt de Rambouillet. C'est pas pour moi, c'est pas des vacances. Pourquoi? Non, c'est pas des c'est oui des... mais pour la personne qui habite à Paris, mais par exemple pour la personne qui habite Saint-Tropez, aller à Saint-Tropez n'a plus d'avantage que c'est partir en vacances. est-ce que du coup Rambouillet c'est pas des vacances puisque c'est, ça a rien à voir en destination, enfin je veux dire c'est loin. Non mais disons Rambouillet, bon j'ai pris Rambouillet, mais partir à Saint-Tropez pour moi c'est des vacances parce que c'est tu vois la mer, tu vois d'autres personnes que sur Paris. Mais pour la personne qui y habite à Saint-Tropez, c'est pas intéressant d'aller en vacances à Saint-Tropez. Bah disons la personne qui habite à Saint-Tropez si elle veut partir ailleurs que Saint-Tropez, elle peut par exemple moi ce qui me plairait. Bon, malheureusement, je peux pas, j'ai pas les moyens. Moi, ce qui me plairait, c'est de, par exemple, de partir, comme tu dis, à Saint-Tropez, voire même sur Marseille. Là, au moins, même Nice. À l'heure actuelle, à Nice, faut pas dire. Je pense que la température est des fois meilleure que nous à Paris. Hein. À Nice, là. T'es déjà allé à Nice? Oui, on avait avec Max. Ouais, on avait été au Macumba. À Nice. Ouais. D'accord. Non, à Nice sur le. D'accord. D'accord, c'est pas grave, Gérard. On demande aussi si en 1973, par exemple, tu avais dû défendre le projet de congé payé par le Sénat ou différent le système de la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, comment tu l'aurais défendu vis-à-vis des députés de l'époque qui étaient majoritairement bleus? Bah, disons le problème. Bon, c'est pas le thème du débat, mais je vais quand même répondre à la question. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que depuis que les congés payés ont été votés, donc pour moi c'est vrai que partir 5 semaines, bon il y en a qui prennent 2 ou 3 semaines pendant l'été et d'autres qui gardent une semaine pour l'hiver, pour moi personnellement c'est bien comme ça. Donc ça c'est ton avis, mais on peut-être demander aux gens qui sont là au standard avec nous leur avis. Ouais, c'est, si tu pouvais arrêter d'appuyer sur leur téléphone, voilà, ça serait bien, merci. Voilà, donc des réactions par rapport à ce que vient de dire Gérard, par rapport à 5 semaines. François. Attendez, François. Oui, mais j'aimerais poser la question suivante. Tu as parlé tout à l'heure de la première quinzaine assez pluvieuse. Est-ce que tu penses que la deuxième quinzaine, on aura droit à des températures canonculaires? Bah, disons, je pense, parce que tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, à la même époque, faut dire. C'est vrai que faut bien se dire une chose. À l'heure actuelle, on n'a plus de saison. Mais est-ce que tu crois que c'est à cause de la saison, ma pauvre dame? Ouais, ma pauvre dame. Attends, Pauline. Hein. Mm-hmm. Attends 5 minutes, parce que là, je réponds à... Donc, toi, François, tu me posais? Oui, c'était pour savoir, en fait, pour insister sur le fait que j'espère qu'il y aura du temps de bonnes températures clémentes et un temps calanculaire, quoi, pour la suite. Hein. Bah, de toute manière, comme j'ai dit, je pense, à mon avis, parce que de toute manière, c'est tous les ans, et puis il faut dire c'est vrai qu'on n'a plus de saison. Mais on peut pas faire quelque chose, là, GG, contre ça, ou pas, là? Ben, ça, c'est pas nous, malheureusement, on peut rien y faire, parce que on n'est pas, on a des gens pour ça, on est pas à la place. Attendez. Pauline, pardon. Si, on sait maintenant que début juillet, c'est tout pourri. Pourquoi ils décalent pas les vacances? Ben, mi-juillet, mi-septembre. Bah, de toute manière, c'est là le problème. Voilà la question qui est bien. Ouais. La question qui est bien, c'est vrai que il y a des gens qui sont partis bien avant. Mmh. C'est vrai qu'il y en a qui sont partis fin mai, début juin. Donc pour avoir moins de monde sur les plages. Et là maintenant, bon, c'est vrai que là en ce moment c'est la grosse période que tout le monde a arrêté, parce que c'est vrai. Faut dire une chose, que là on va la question, on va revenir dessus. Sur la question, donc, préférez-vous le camping ou les locations? Donc, avant que vous répondiez. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Qu'à l'heure actuelle, on n'a plus de saison. Ah non, parce, ma pauvre dame. Regarde, cet hiver, on n'a rien eu. On n'a pas eu de neige ni de verglas. C'est pas parce que j'ai eu un problème en 93 avec ça. Donc, on n'a pas eu d'hiver. On n'a pas eu de printemps. Disons, si, on a eu un printemps, mais vraiment grave. L'été, bon, on l'a eu bien avant. D'habitude, au mois de mars, on a les giboulées de mars, on les a pas eues. On n'a pas eu de pluie. Et là, maintenant, on arrive presque... on est le 5 juillet. Le 6, je veux dire. On est le 6 aujourd'hui. On est le 6 juillet. On est samedi, là. Donc, les gens, comme là, c'est la première grosse vague de départ en vacances... Donc en fin de compte, et après on aura la deuxième vague qui va partir du 15 au 15. Donc voilà pourquoi Pedro. J'avais demandé comment t'expliques ce changement de saison. C'est, tu crois que c'est l'économie, c'est le chômage, c'est ce genre de choses qui fait que il y a plus de saison? Bah disons non, c'est pas je pense que la couche d'ozone, je sais pas. Non mais je pense que c'est plus les gens maintenant ont plus trop envie de réserver. D'accord. Ouais. Donc c'est à cause de ça qu'il y a plus de, il y a plus de. Bah disons avec tous les accidents qu'il y a eu, donc on peut pas dire que les gens sont d'accord de partir à l'étranger ou pas. Et donc c'est pour ça que au mois de en hiver tu dis que c'est décalé, que c'est deux semaines avant ou ce genre de choses. Tu crois que c'est à cause de ça? Bah disons en hiver, je vois cette année, faut dire que disons l'année dernière, on n'a pas eu d'hiver. Ah non, c'est clair, il faisait trop chaud, il faisait 30 degrés. Non, mais même, là je vois le jour de... Attends, je reviens tout de suite à toi, Esteban. Oui, oui, oui. Le jour de mon anniversaire, le 17, ouais. Eh ben moi je peux te dire une chose, que le temps il était insupportable, il faisait plus de 35 degrés. Ah c'était énorme. Là, c'était insupportable. Ouais, tu transpirais beaucoup, tu t'es mis de l'Adidas et tout ça. Question internet, oui. Non, malheureusement, non. Non, les gens t'écoutent. Ça s'est déconnecté, entre le moment où tu parles à Pedro et moi. Voilà. Ah bon, donc, s'il y a une question de quelqu'un, je ne sais pas si tu la connais, elle se fait appeler Henri là, donc je ne sais pas, qui te demande est-ce que tu viens pour les vacances. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Non, mais c'est bon, c'est même pas la peine de me la poser la question. Je sais très bien ce que c'est comme chanson. C'est une chanson, ouais. Ça, est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Tu peux m'appeler. Tu peux toujours m'appeler au numéro. D'accord. Je serai en avance. Au rendez-vous de notre honnête. Voilà. Okay. Au rendez-vous de Nova. Ah, pardon. Vraiment. Alors là, je l'ai lu en plus, mais innocemment, quoi. Ah, je me souviens plus des deux chanteurs. Non. C'est pas Claude Barzotti. C'est je sais plus qui. C'est pas Barzotti, je crois. Non, c'est pas Pavarotti non plus. Tino Rossi. Peter Rossi. Non plus. C'est qui? Retrouve le nom. Ça va m'énerver. Non, mais quand je retrouve pas un nom, ça m'énerve, Gérard. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse, tout ça, c'est. Je sais plus qui c'est, mais bon, ça me reviendra. C'est pas grave, Gérard. Donc, alors, la question, c'est préférez-vous le camping ou les locations? Donc, on va demander à François. François, une fois. C'était endormi en rantaine, là, c'est pour ça. Ah, bon, François, il est là ou pas? Prévention croûtière. Écoute, moi, j'allie un peu les deux. Donc, en fait, je vais en camping, mais je loue en camping, en fait. Tu vois, je fais de la location en camping. Je loue des mobile homes, des tentes, des igloos, des tables de ping-pong. Non, je te parle pas des igloos ni des tables de ping-pong. D'accord. Ah, si, attends, c'est ce que je loue quand je suis là-bas, quoi. Ah ouais, donc, toi, c'est pour ceux qui viennent en vacances, en camping et tout ça. Voilà, c'est de la location en camping, quoi. Voilà. D'accord. J'ai rendu les deux compatibles. Jérémy? Bah écoute, moi Gérard, je préférerais louer une maison au bord de la mer plutôt que d'aller au camping. Je trouve ça plus agréable. Ah donc t'es pour, tu préfères la... La location. La location. Ah oui, le camping. Pauline? Bah moi écoute, je loue en dur. Parce que j'aime mon confort. Moi, une maison sans un canapé, c'est pas une maison. Mmh. Donc habiter dans une roulotte pendant un mois, c'est pas possible. Disons dans un mobil-home. Oui, enfin, appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça une roulotte. Mmh. Et donc, je loue en dur. Et j'ai les moyens en plus. Donc, pourquoi je me gênerais, hein? Non, mais attends, GG, c'est bien les mobil-homes. C'est qui là? C'est prévention croûtière. Je veux dire, c'est quand même bien les mobil-homes parce que tu pouvais avoir un mobil-home à toi, tu vois. Non mais déjà un home. Non mais ce qu'il y a, c'est vrai que bon, moi je préfère plus le camping. Bon, avoir une toile de tente qu'une location. Parce qu'en fin de compte, les locations, c'est chiant parce que faut que tu réserves longtemps à l'avance et faut que tu donnes des dates. D'accord. Non mais laisse-moi les... Normalement, François est de retour, Gérard. François. Oui, je suis de retour. Bonsoir. Donc, rebonsoir. Bon, on t'a déjà dit bonsoir. Donc, t'as entendu la question? Oui, bah moi, je pense louer une petite villa sur la côte. Non mais toi donc tu préfères les locations par rapport au camping? Ah oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter et puis c'est plus comment dirais-je, c'est plus économique comme formule. Puis tu pars pas au chiottes avec ton rouleau de PQ à la main, quoi. Non mais ouais, je suis d'accord avec toi, Pauline. Bon, la question c'est pas l'histoire du PQ à la main. Bah ça fout quand même la honte, quoi. Je vais faire caca. Ouais. Non mais même c'est pas la question. La question par rapport au camping ou aux locations. Moi je préfère le camping. Ouais. Par rapport au... Je préfère le camping, parce que bon, déjà, tu vois plus de monde. Dans les locations, bon, déjà, faut que tu réserves longtemps à l'avance. Mais si t'es propriétaire de ta location... Non, t'es pas propriétaire, t'es pas tu loues. T'es propriétaire de ta location, hein. Attention. Ouais, non, mais d'accord, mais même, tu peux très bien louer par la suite. Oui. Tu peux relouer à quelqu'un. Ah, mais tout à fait. Phil Bornet. Il y a Phil Bornet parce que prévention croûtière est en pause, en fait. Voilà. Ah ben, c'est bon, tu lui dis. Justement, Gérard, on te pose une question de Hervé Davidson qui demande, est-ce qu'on est amené à faire plus de rencontres au niveau sexuel dans un camping plutôt que dans un hôtel de luxe du Poitou? Oui. Ça, oui, question camping, t'es plus amené à faire des rencontres. Et bon. T'as déjà pratiqué, toi, le camping régulièrement? Oui. Oui, j'ai eu l'occasion d'en faire. Et donc, tu allais avec qui? Tu allais tout seul, avec des amis, de la famille? Non, je galais tout. Bon, en famille, non, parce que je vais pas revenir là-dessus. Ouais. Bon, c'est vrai que le camping, je préfère parce que tu rencontres du monde. Ouais. Et ça te change, et donc tu discutes, t'échanges des conversations. Donc tu t'es avec eux, tu joues aux boules. Bon, tu fais quoi de tes journées? Ouais, tu joues aux boules, tu fais quoi d'autre? Tu vas à la pêche souvent. C'est ce que j'adore, moi, c'est la pêche, jouer aux boules, puis bien sûr passer une soirée entre amis le soir dans un bal un samedi comme un 14 juillet. Ce qui est bien, c'est ça. Gérard, oui. est-ce que j'ai jamais fait de camping. Hein. Mmh. Est-ce qu'on voit la lune à travers une tente? Bien sûr, ça dépend ce que t'as comme toile de tente, mais t'as la lune qui reflète dessus. Et même, je peux te dire une chose, que bon, souvent moi, ça m'arrive de me coucher très tard quand j'allais au bal dans un camping que je peux citer qui est très bien pour ceux qui veulent y aller, c'est le camping de Saint-Arnoult en Yvelines. Donc, tu partais pas très loin. Ben, c'était dans les Yvelines, mais qui est très bien. D'accord. Et je vais te dire une chose, que là, t'as une ambiance... On peut faire du surf là-bas. C'est pas chiant de faire du camping avec plein de tentes comme ça? Ouais. Ben, disons, c'est pour le paysage. Non, mais disons, tu... Ouais, c'est joli. Non, ce qu'il y a, c'est que, bon, t'as un coin qui est déjà réservé, que tu réserves déjà bien avant. Mm-hmm. Bon, tu le loues à l'année, par exemple, avec une caravane ou une toile de tente quand tu viens. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu viens, tu peux y aller jusqu'au mois de septembre-octobre. Mm-hmm. Et après, bon, le camping est fermé, mais ta caravane reste sur place. C'est pas comme si que les gens partaient avec leur caravane, qui revenaient et qui les remettaient dans des locations. Mm-hmm. Dans des locations, qui doivent payer les locations pour l'année d'après. Okay. Oui, Et donc toi, Gérard, t'aimes les tentes? Bah, disons, je préfère les campings sous des toiles de tentes. T'aimes les tentes, tu préfères les tentes? Comment ça? Bah les tentes, les tentes, dormir sous une tente. Ah ouais, moi je préfère. J'aime bien ce style pour dormir, t'es tranquille. Au moins dans une caravane, c'est pas comme si tu partais avec ta famille, avec des gamins, et constamment t'es emmerdé toute la nuit. Moi je préfère, c'est dormir tranquillement, dormir à la belle étoile, moi ça me dérangerait pas si le temps était bien. Hein. Et au camping, donc tu dors qu'avec des tentes? Bah voilà. Dans un sac de couchage, bien sûr. En plus, ouais. Il faut pas être tout seul. Hein. Donc voilà, on accueille. Allô, il y a quelqu'un? Allô. Phil Bornet. Allô. Ouais, salut, c'est Phil. Allô. Allô. Allô. C'est Phil Bornet, Gérard, tu m'entends? Ouais, bah je t'écoute. On t'écoute. Bah non, bah attends, je viens d'arriver. C'était quoi la question? Alors, préférez-vous le camping ou les locations? Voilà. Faut tout bien réfléchir. Moi, je préfère quand même. Bah, vu que tu peux en même temps louer un emplacement dans un camping, tu vois, c'est un peu, c'est une question qui est pas tellement nuancée, tu vois. Mm-hmm. Moi, je pense que je préfère louer, mais à l'hôtel, quoi. On est à l'antenne là, on a l'antenne ou pas? Oui, ouais. Vous êtes à l'antenne. Tu loues en dur, toi aussi? Non, mais moi, je peux vous dire une chose. Ouais, moi, je loue en dur. Hein. Ouais. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, que là, la question, justement, on va. On va avoir un enfant de toi, quoi. Non, mais tiens, justement, alors. Croyez-vous que l'on peut passer ses vacances à l'hôtel? Tiens, bah justement. Le mongolien de toi, c'est le bébé dont je rêvais. Bonsoir. Ah, c'est la reprise, là. Ben, c'est Jérémy. Non, c'est pas moi. Non, ça y est, on l'a géré, là. Direct, Hervé l'a géré vachement vite, c'était nickel. Hervé? Ouais, tu lui dis au revoir. Direct. Ok. Voilà, on lui a dit au revoir. Et maintenant, vas-y, tu me diras qui c'est qui est parti? Ouais. Donc, c'est François. Gérard, on a une question encore de Mégaton qui dit Gérard, est-ce que tu maîtrises encore la notion de vacances? Puisque toi, tu es quand même, on peut le dire, enfin, à part ce que tu fais sur Fun Radio, en permanence en vacances. Bah, disons, je suis en permanence en vacances, oui, parce que bon, c'est vrai que je travaille, je viens. Non, coupe-moi les. Ah, bah, faudrait savoir. Merci. Je réponds quand même à l'auditeur sur l'internet, c'est qui? C'est Mégatong. Donc Mégatong, je vais répondre à ta question. Donc c'est vrai que bon, en travaillant sur Fun Radio, c'est vrai que... D'accord, Gérard, tu fais des blancs là. C'est vrai que en travaillant sur Fun Radio, c'est vrai que je suis régulièrement en vacances. Mais en fin de compte, je suis pas en vacances parce que bon, je prépare les débats, je fais des poèmes pour les auditeurs que à la rentrée, vous allez sûrement avoir en exclu, donc des nouveaux poèmes. Des nouveaux poèmes. Donc voilà. Des nouveaux conseils aussi peut-être. Justement, ah non, fais un peu de promo pour ta rentrée. Tu vas faire un peu quoi? Vas-y, dis-nous tout. Disons, dernière, tu peux te lâcher. Vas-y. Donc normalement, si tout se passe bien. D'accord. Si t'as assez de tickets resto. Non, mais ça c'est pas si j'ai assez de tickets de resto ou pas, ça a rien à voir. D'accord. Au lieu de t'occuper ton trio, on prie la Croix Rouge voilà. Quand même. Donc normalement à la rentrée, ouais, donc on devrait avoir toujours les débats. D'accord. Avec la même équipe ou pas? Même équipe ou pas? Non, pas avec la même équipe, malheureusement. D'accord. Pourquoi? L'équipe changera, donc. Pourquoi? Alors, dis-le maintenant pour qu'on le sache. Qui est-ce qui va partir? Tout changera, donc voilà. Pourquoi? Parce que je veux plus travailler comme ça et c'est malheureux et c'est tout. C'est triste. Disons non, parce que vous, toutes les semaines, à chaque fois, vous me saccagez mes débats. Arrête, avoue que la semaine dernière, tu nous as remercié pour le débat. Oui, non, pourquoi? Parce que je me suis pas énervé. Là, cette semaine, vous m'avez fait. Là, cette semaine, aujourd'hui, vous me faites du boulot de merde. Arrête. Donc, ça m'amuse pas. Là, vous m'avez saccagé un stylo. Arrête, on n'a rien fait? Non, non, mais vous m'avez retiré le ressort qui était dedans, donc c'est mais non, grave. Mais t'es parano, Gérard. Non, t'es parano, là. Il était dans ta poche, on n'est pas allé le prendre dans ta poche. Non, mais il était sur la table, d'accord. D'accord, bon, ok, c'est pas grave. Donc, voilà. Tu vas peut-être casser toi-même, hein, en lançant ton casque. Mais oui, c'est ça. Donc, à la rentrée, donc il y aura sûrement des conseils. D'accord. Des conseils de Gérard, c'est-à-dire sur quel thème, un peu, tu peux dire? Ben, on verra. Bon, Gérard, occupe-toi juste de ce qu'on te dit et après il y aura sûrement des conseils, des débats et sûrement des nouveaux poèmes qui seront faits à la rentrée. Voilà, donc je peux pas en dire encore plus pour l'instant. Voilà, c'est tout. Donc Pato Gaz, bonsoir. Gérard, oui. Il faudrait qu'on recentre le débat, s'il te plaît. C'est ce que je fais, hein. Croyez-vous que l'on peut passer ses vacances à l'hôtel? C'est pour répondre à la question de Phil Barnet, donc voilà. Phil Barnet, donc Patogaz pour toi. Bah, fini de m'accueillir quand même, bonsoir. C'est bonsoir. Putagaz, j'appelle du Cap d'Aft, 116.6. Donc tu peux répéter la question vite fait, Non, je viens de la répéter, t'étais à l'antenne, donc je la répète plus. Alors, on peut passer ses vacances à l'hôtel. Voilà, le camping par rapport à l'hôtel, bon c'est vrai que l'hôtel, il faut avoir des revenus. Donc il faut quand même avoir un petit peu de moyens, c'est quand même pas la solution la plus économique. Je pense que tu es d'accord avec moi. À moins d'avoir des plans, tu vois, si tu connais quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'hôtellerie, qui peut te refiler des plans parce qu'il y a des chambres d'hôtel qui sont pas occupées, tout ça. Alors, tu peux aller squatter, sinon dans un squat avec des lascars et des clébards et compagnie. Mais bon, pour les vacances, c'est dark, quoi. C'est glauque. Phil Barnet. Ouais, bah écoute, moi je pense que ça dépend en fait des revenus qu'on peut avoir. Par exemple, si on est dans la chanson, on touche de la SACEM. Et donc on peut se permettre tout un tas d'hôtels particulièrement bien dotés, en étoiles et en service impeccable, avec des putes, de la cocaïne à tous les étages. Non mais évite de... Ouais, ça non. Évite de trop parler de... Excuse-moi, j'ai pas voulu faire de pub, hein, je suis désolé. Non, mais évite, parce que sinon... On va après... parler des étages, c'est pas bien. Non, mais après, risque d'avoir le CSA sur le dos. J'ai une question internet d'Oxidius qui demande, GG, est-ce que tu te laves les mains après avoir fait caca... Pardon, excuse-moi, j'ai trompé. Jean Bonneau, qu'est-ce qu'on emporte en priorité dans son sac lors d'un départ en voyage? Enfin, qu'est-ce que toi, tu emportes dans ton sac à voyage, avant de partir en voyage? Bon, peut-être laisser répondre les auditeurs, peut-être que les auditeurs peuvent répondre. Ouais, mais on va déjà finir la question, après je répondrai à celle-là. Bon, il y a beaucoup de gens qui attendent cette réponse. Bah, ce qu'ils emmènent, c'est le strict minimum pour... Pour deux mois, tu prends vraiment le strict minimum. Pour deux mois de vacances, tu prends quoi? Une brosse à dents, un tube de dentifrice C'est Phil Barnet, combien de slips il faut prendre? Ce que tu veux, mais pour l'instant, c'est pas le d'accord, thème. On y reviendra. Vas-y, reviens à ta question. Jérémy! Ouais, bah écoute, Gérard, moi je pense que selon ton salaire, bien sûr. Non. Toi, par exemple, qui fais de la radio, tu dois avoir une bonne paye. Donc je pense que tu peux te faire des petites vacances aux Bahamas tranquille. Non. Tu descends dans des palaces, toi, GG, quand tu bouges en vacances, ou t'es plutôt petit hôtel de campagne, comme on dit Nulle part, Pauline. Et quand tu vas dans les boîtes avec Max, au casino à Monaco. Pauline. Oui. Ah bah écoute, moi je crois qu'on est capable de passer ses vacances dans un hôtel. Il y a même des gens qui vivent dans des hôtels, enfin tu vois, qui sont un peu en galère, tout ça. Il y a des gens qui y habitent tout le temps, quoi. Dans des hôtels modernes. Moi je dis que, ouais, déjà il faut être moderne. Ouais. C'est un style de vie assez particulier. Et ça existe, il faut le savoir. Mais moi, ce que je peux... Ouais. Pardon, s'il te plaît. Il fout un décalipo dans son cul. Qu'est-ce qui se passe là, Gérard, tu peux recentrer le débat? Beaucoup de gens réclament que tu recentres un petit peu, parce qu'il part un peu vers la droite, ton débat. Non, mais moi, je voudrais que celui qui s'amuse à dire... à vouloir m'imiter, à dire bombin et dire des conneries, qui arrête. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est Phil Bornet, est-ce qu'on pourrait continuer? Donc moi, je vais répondre à la question. Donc, croyez-vous que l'on peut passer ses vacances à l'hôtel? Moi, je peux... ses vacances à l'hôtel. Moi, je peux vous dire une chose, que non. Non. Parce qu'en fin de compte, passer ses vacances à l'hôtel, c'est quoi? En fin de compte, tu te fais servir. Ah. Donc, c'est pas des vacances. Par des gens qui travaillent. C'est des travailleurs qui se font servir par des travailleurs. C'est pour ça que t'aimes pas. Non, ce qu'il y a, c'est que, bon, tu passes des vacances à l'hôtel, c'est pas comme si tu partais en vacances. Parce qu'en fin de compte, si tu veux le truc de passer ses vacances dans un hôtel, c'est comme si que t'étais chez toi. Quel genre d'hôtel aussi? Tu parles de quel genre d'hôtel? Ça dépend. T'as plusieurs hôtels où t'as des gens qui te servent. Tu dois respecter les horaires et puis tout. Donc pour moi, c'est pas des vacances. C'est plutôt des vacances comme si que t'étais chez toi. Parce que tu te fais servir. Tu dois respecter des heures. Donc non, pour moi, c'est pas des vacances. Les heures de quoi? De repas et tout ça. D'accord, il y a des heures de repas quand tu vas à l'hôtel. Bah oui, alors qu'au camping c'est des vacances parce que tu te fais toi-même ta bouffe, t'es obligé de faire. En camping tu manges à l'heure que tu veux et t'es tranquille. T'es obligé de te faire ta bouffe, t'es obligé Il dit peut-être ça parce qu'il a une demi-pension. Voilà. Justement tu prends un hôtel demi-pension. Ouais. Mais faut que tu sois quand même rentré à l'heure pour le repas du soir. Ouais. Donc t'as le petit déj et t'as le repas du soir ou du midi. Si t'as le repas du midi, tu peux pas avoir. Ou sinon, faut que tu. Comme à la cantine du foyer. Il faut que tu donnes l'adresse, elle a dit. T'inquiète pas. Comment, Pauline? Je dis, il faut que tu me donnes l'adresse, c'est intéressant. Ouais. Mais non, mais ça dépend des hôtels, mais. On demande le numéro de téléphone, justement. Jean-Vicalin. On demande le numéro de téléphone, Gérard. Il y en a pas. Ah, t'as pas de numéro de téléphone? Il n'y a pas de numéro. Ok, on va les calmer 2 secondes au standard, merci. Oui, Gérard. Donc tu disais au standard, s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez juste les calmer 2 secondes. Est-ce que t'as un numéro de fax? Non plus. T'as pas de numéro où on peut te joindre? Non. Okay. Un email ou non. On est combien sur le net avant de faire une petite pause? Encore. Sur le net, on est exactement. Attends, excuse-moi. On est 21 111. Voilà. Voilà. C'est bien. Alors, t'as bien remonté. T'as le droit d'applaudir aussi, hein, Gérard, quand tu réussis un truc. Hein. Vas-y, applaudis un peu. Non, mais c'est bon, on va poser une question. Applaudis un peu, Gérard. Non, mais c'est bon, c'est facile. Non, il n'a pas de... D'accord. Il n'a pas de faculté motrice. Alors, à votre avis... La droite et la gauche, il peut pas en même temps. À votre avis, faut-il partir en juillet ou en septembre? Et on va s'écouter. On va s'écouter un titre. C'est pas ça. Bon, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a quelqu'un de New York qui appelle et Gérard veut jamais les gens qui appellent de pays étrangers. Ah, alors c'est pas bien, Gérard. Autant il t'écoute sur le net. Merci, le net. On le passera après à l'antenne. C'est quoi le titre? Non, mais j'ai pas le titre. Mais si, il est écrit, non? Non, je l'ai pas. Ah, d'accord, bravo. Merci, j'ai l'auditeur. Alors, allez, bravo, Céline. Bravo, Céline. Merci, Céline. Bon, on va s'écouter le truc. Blondasse. On vous dira après ce que c'est. Allez, on y va. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous, suite et fin du débat sur les vacances. Donc, il manque Esteban sur le www.funradio.fr. Il y a un problème internet interne. On a un problème avec les caméras. Ok, bon, c'est un technicien à ses heures perdues. Il y a toujours Hervé. Oui, Céline. Oui, en fait, c'était pour dire que la personne de New York, elle a raccroché. Par contre, on a vraiment quelqu'un dans l'avion au-dessus de la France. Ah, on va l'écouter. C'est vraiment sérieux. Ah, allô? Allô? Ah, bonsoir. Allô, bonsoir. Salut. Salut Gérard. Salut. Ça va Gérard? T'appelles d'où? Bah j'appelle de l'avion. Ouais bah tu te diriges où? Bah je me dirige vers Bordeaux là, je suis au-dessus de Lille. Ok. C'est énorme Gérard, on a quelqu'un dans un avion qui est en train de ah, voyager mais... qui... Ça tombe bien pour les vacances. Tu m'entends là ou pas? Parce que moi je t'entends pas très bien si tu veux. Non mais c'est bon, je t'entends là. D'accord. Donc alors à votre avis, faut-il partir en juillet ou en septembre? On va demander à Patogaz. Patogaz. Ok, attends, on est en train de gérer au standard, on est remé. Voilà, merci Patogaz. Allô Patogaz. Patogaz une fois, Patogaz deux fois. Ok, c'est super au standard, passe au suivant. Bon, alors c'est bon. Phil file borné. De toi, ouais. Moi je crois que ça dépend Patogaz. De ce que tu recherches de Par tes contre, vacances. Il faudrait, dans l'avion, il faudrait baisser le son. Hein, ça allô, bien. Tu m'entends ou pas? Allez, baisse le son. Baisse derrière. Le son, franchement. C'est ouais. Un avion ou un grand condor? Ouais, ouais, enlevez le bruit de l'avion, s'il vous plaît, ce serait bien. Voilà, merci. Ça serait bien. Allô? Super. Ouais, c'est Phil. Mais qu'est-ce qui se passe là? Hervé. Okay, vous allez attendre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils aillent se garer dans l'avion. On va les mettre en attente deux secondes. On va attendre qu'ils aillent se garer dans l'avion. On va vite les sortir de l'antenne et puis on va prendre d'autres gens. Hein. Phil Borné. Parce que, non, attends, le temps qu'on les jette. Voilà. C'est bon. Voilà. On y retourne. Alors, Phil Borné. Ouais. Bah, moi, je dirais que ça dépend de ce que tu recherches de tes vacances. Non, mais est-ce que tu prends. J'arrive. Attends. Si tu recherches du monde, bah, tu pars en septembre. Si tu veux que ce soit plus cool, bah, à ce moment-là, tu pars entre. Je dirais, moi, le 25 juillet et le 15 août. Ouais, mais... Ouais, d'accord. Je, donc, voilà. Là, c'est pas trop... Ça va, quoi. Ouais, donc, tu préfères partir la deuxième quinzaine de... Ah, bah, moi, je recherche le monde parce que j'aime bien les contacts. Mmh. J'aime bien, tu vois, être entouré de plein de gens. Mmh. J'aime bien la foule. Mmh. Donc, je pars vers le 30 septembre. Ok. Ah, bah, au mois de septembre, ça m'étonnerait. Hein. Ah, non, enfin, c'est pas grave. Jérémy. Ouais, moi, je pense que le 25 août, à peu près, c'est là où ça chauffe bien en vacances. Mi-août, c'est là où faut partir si tu veux voir du monde, des bandanas, tout ça. Mmh. Sinon, si tu veux être tranquille, tu pars début octobre. Et là, t'as plus personne. Bah, de manière, même en septembre, t'as plus grand monde, hein, malheureusement. Si, moi j'ai plein d'endroits où il y a du monde. Hein. Pauline, pour finir. Bah écoute, c'est un peu pareil. Hein, entre. Merci. Ah, c'est pas moi. Entre juillet et septembre, moi je préfère partir en août. Mmh. Parce que en juillet, c'est pas beau, on l'a dit tout à l'heure. En septembre, c'est la rentrée. Et puis, bah, moi j'aime bien être là. À mon travail, quand il y a la rentrée, pour organiser l'année, tu vois. Mmh. Donc je pars en août, je fais comme tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de banal. Mmh. Et pourquoi pas partir en décembre? Ben, en décembre, à la mer, tu te cailles un peu les miches, quoi. Docteur, je sais pas quoi, là. Bonsoir, Gérard. C'est le docteur Apfelgluck. Je suis professeur de sciences conjales à Sorbonne 14. Là. Ok. Alors, je peux te parler, Gérard ou... bon, bah... Tu réponds à la question. Alors, bah, déjà, moi, je voulais dire, c'est un plaisir, un avantage que de participer passionné à tes débats. Est-ce que pour toi, justement, un débat sur les vacances, Gérard, n'a pas un effet narguant sur le prolétariat? Tu réponds à la question que je viens de poser. Est-ce que tu peux me la reposer? Parce que Hervé ne m'a pas mis en air, je n'entendais pas ce que tu... Ouais, on a un problème de standard, en fait, il a pas entendu la question. À votre avis, faut-il partir en juillet ou en septembre? Ben la question est simple, je pense tout simplement qu'il vaut mieux partir en août, tout simplement parce que c'est juste au milieu de juillet et de septembre. Mmh. Enfin, moi c'est ce que je pense, je sais pas ce que tu en penses Gérard. Non mais moi personnellement, ce qui se passe, en fin de compte, le meilleur moment pour partir en vacances... C'est quand que tu te la fous dans ton cul. Bon alors. Mais si on pouvait avoir une discussion sérieuse avec Gérard, ce serait quand même. C'est bien qu'on ait une discussion normale, hein, quand donc, même. Donc, Jérémy, tu lui dis au revoir. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Jérémy, voilà. Au hasard, on y va. Comme ça va plus vite. Hop là. Donc, il reste Pauline et le docteur. Apfelgluck. Et Phil Borné. Donc, alors, en fin de compte. Bien entouré. Donc, ce que vous disiez, donc, moi, je préfère. Moi, personnellement, je préfère partir en septembre. Expliquer pourquoi? Bah pourquoi? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a la rentrée, mais au mois de septembre, il y a encore des beaux jours. Ouais, Gérard, c'est Phil Borné. Mmh. Si tu pars en septembre, est-ce que comme il y a énormément de monde, est-ce que ça te gêne pas un peu? Ah non, il y a au contraire, au mois de septembre, c'est de là où t'as le moins de monde. C'est de là où t'as le moins de monde hein, par rapport à juillet ou août. Mais septembre, c'est les vendanges. Bah ouais, bah, par exemple, tiens, bah, voilà, comme Pauline dit, faire les vendanges au mois de septembre, c'est comme si t'étais en vacances. Hein. Bah oui. Hein. Et en fin ouais, de compte, il commence à faire froid en septembre. Non, non, non, non. Ah oh, non. Un petit peu, excuse-moi, genre, j'ai fait de la météorologie. Excuse-moi. Je peux te dire une chose, qu'au mois de septembre, on a encore des beaux jours. Hein. Oui, mais il fait quand même un peu plus froid encore. Non. Ouais. Parce que faut, hey, comme j'ai dit tout à l'heure, et je pense que vous avez tous écouté malgré que. Patrick Bruel de Varsovie. Comme par hasard. Patrick Bruel, une fois, Patrick Bruel. Patrick, à toi, bonsoir, je suis là. Bonsoir, c'est Patrick Bruel. Patrick en 15.5. Patrick Gérard, c'est bonjour. Pourquoi tu parles pas, par exemple, des destinations un peu différentes, comme la Tchécoslovaquie, des pays comme ça, qu'on parle jamais. Enfin, je veux dire, regardez, des pays dans lesquels on parle jamais. Ouais, ou alors des pays au bord de la mer, la Suisse, la Hongrie. Eh hey, oh, faudrait peut-être vous déboucher un petit peu les oreilles. Préférez-vous partir en vacances à l'étranger ou pas? Non, mais l'étranger, c'est pas l'étranger, c'est vrai, partie de l'Europe, hein. Faites-y avec vos sondages, hein. Mais attends, Gérard, tu nous demandes des sondages, on te les fait, maintenant tu vas les lire. Ça, quand c'est même. Ça, c'est fait. Ah, oh, c'est bon, là, derrière, merci. En fait, ce que j'adore, c'est que tu respectes vachement le travail des autres, c'est-à-dire qu'on se fait chier attends, à faire. Ouais. On te sort des sondages. Oh. Oh, les sondages, là, vous me... On sort plein de sondages pour la dernière, bon exprès. Alors, parce que quels sont les loisirs que les Français aiment pratiquer en vacances? Alors, 80%, la pétanque, et ça, c'est vrai. Ouais. Le vélo sans roue, ça, c'est faux. Donc, 60%. Moi, j'aime bien. 30%, les parties des pieds à l'air. Alors là, je vais vous dire une chose, que vos sondages de merde, c'est bon. Les parties de pieds en l'air. Les parties de pieds en l'air, bien sûr. 15%, la franate, je sais pas ce que c'est. Le farniente, mais c'est pas grave. 5% l'autosatisfaction mondiale, n'importe quoi. Matinale. Ouais, matinale, donc on va continuer pour les Français. Avec quoi rime vacances? Alors, 70% drague, avec la drague, ouais, ça c'est vrai. Ouais. 50% avec amusement, ouais. Ouais. 30% avec moule. Moule quoi? Moule frites, ouais. Aussi. Ouais. 22% avec éclaboussure, pourquoi pas. Dans ta gueule. Ouais. 11% avec plaisir, ouais, si on veut. On va continuer, on va les finir comme toi, ça. Toi, tu te situes un peu plutôt de quel côté, hein? Éclaboussure. Plutôt drague. Ah, plutôt éclaboussure ou drague? Éclaboussure, ouais. Et ta connerie, toi. Je te demande, éclaboussure, drague, je sais pas. Drague. Pastillon. Drague, d'accord. Quels sont les meilleurs souvenirs de vacances? Ah, quand j'avais 12 ans, mon premier... Hein? Ma première fille ou mon premier garçon? Voilà. Non, mon premier garçon, fille. Alors là, je comprends pas ou du fille. Tout. Une fille ou un garçon, ça dépend voilà, si t'es une fille un garçon, ou un garçon. T'es sorti peut-être avec un mec. Alors, et puis, voilà. Bah alors, 30% quand j'ai découvert que les poissons n'étaient pas seulement panés. Moi, pourquoi pas. Quand mon mari me repêche ma culotte. A repêché ma culotte, n'importe quoi. Quand j'ai mangé ma première glace fondue, ouais, ça c'est en plein soleil. Quand je me suis aperçu que l'eau ça mouille, bah ça, en principe, l'eau elle mouille toujours. Mais bon, bref. Il n'y a pas que l'eau qui mouille, hein. Ouais, il n'y a pas que l'eau, ok. Ouais, bah alors ça, hop, les 60%, c'est même pas la peine. D'accord. C'était quoi le truc? On le dira pas, mais c'est quoi? Merci de l'avoir mis. C'est quoi? Quel animal emmenez-vous en vacances? Attends, alors Gérard, non. En fait, c'est les animaux et en fait, la plupart des gens, ils ont répondu le cousin de ma mère et il veut pas. Ah, non. D'accord. Donc voilà. Donc 40% les rats, ouais, bon, pourquoi pas. 20% nos poissons rouges surgelés, pourquoi pas. 10% nos blattes, 20% ma chatte. N'importe quoi. Bon, Gérard, on va arrêter de la sondages. Non, mais je vais la finir comme non, ça. Non, mais c'est pas grave. Non, mais Gérard, on s'en va. De toute manière, moi, à 3h15, c'est vrai, on arrête alors. Ouais, donc arrête-les, c'est pas grave. Et on va finir avec la question que tu avais posée, je crois. C'était les questions au mois de juillet. Faut-il partir en juillet ou août? Donc, j'étais. De toi. Gérard, est-ce qu'il est possible recentrer un peu le débat? D'accord. Alors, les auditeurs vont peut-être se calmer, puis on va passer à la question. Vas-y, repose-la. Donc, c'est pour répondre à la question. Donc, j'ai dit que je préférais partir en vacances au mois de septembre. Pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà moins de monde. T'as pas de thunes. Mais même en septembre, c'est moins cher. T'as raison. Bah, de toute manière, c'est de là que c'est moins cher. Et puis, en plus, t'as moins de monde et il y a encore des beaux jours. Comme tu disais tout à l'heure, Pauline, c'est toi qui parlais des vendanges. Ouais, mais il fait un peu plus froid quand même. Non, il fait encore bon. Mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de saison. Non, mais Gérard, excuse-moi, mais t'es d'accord avec moi pour dire qu'en septembre. C'est qui? C'est Phil Borné. qu'en septembre, il fait quand même un peu plus froid qu'en juillet, on est d'accord. Mais non, il fait meilleur. Non, mais il fait meilleur. D'accord, il fait un peu plus froid, voilà. Mais il fait. Il y a toujours. Ouais, okay. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a plus de saison. Ah, mais complètement, ma bonne dame. Je sais qu'il est bien dommage. Moi, je voulais réagir sur les saisons, hein, c'est qu'il n'y a plus de saison. Ouais. Mais GG, attends, tout le monde ne peut pas se payer le luxe de ne pas travailler comme toi, tu vois. Toi, tu peux partir quand tu veux. Toi, tu as des privilèges parce que tu es une star, mais il y en a qui ne peuvent pas. Voilà, on peut pas. Non, mais en même temps, c'est vrai, ce qu'il faut voir, c'est que toi, tu as la chance de partir quand il n'y a plus de saison. Mais Gérard. D'accord. Ouais, Pauline. Hop là, on gère celui qui a raccroché et on remet les autres. Voilà. Pauline. Deux secondes, on est armé, deux secondes, Gérard, du calme. Ouais, Pauline. Est-ce que tu crois que les vacances, c'est juste quand on ne travaille pas? Pas spécialement, non. Non. T'as des gens qui sont obligés de partir pour être en vacances. Bah t'en as beaucoup qui travaillent et qui prennent pas de vacances, qui partent plus tard. Hein. Bah ouais. Non, mais si tu restes chez toi et que tu travailles pas, c'est quand même des vacances, c'est ça qu'elle veut dire. Voilà, c'est ça, ouais. Oui. C'est Phil Bornet, j'ai une question. Ouais. Est-ce que par exemple, si quelqu'un est au travail et qu'il en fout pas une, on peut considérer qu'il est en vacances sur son lieu de travail? Ben pourquoi pas. Bah, de toute manière, t'en as beaucoup qui foutent rien, qui sont sur en vacances, hein. Ou qui travaillent dans une radio. Hein. Même en septembre où il fait un peu plus froid. Bah en septembre. Mais je viens de dire tout à l'heure qu'il y avait plus de saison. Putain, mais arrêtez de me prendre. Je suis d'accord. Bon alors, question avant la fin du débat, un peu de savoir combien qu'on est sur le net là. Actuellement sur le net, on est 28 596. Donc, déjà on a battu le record. Bravo. Alors. Voilà, hop là. Alors, donc la question. Merci pour celui qui s'amuse avec sa touche de téléphone. Quand vous aurez fini de. Allez, tranquille, vas-y. Alors, faut-il envoyer ses enfants en colonie pendant les vacances? Et on accueille Pascal au bistrot. Pascal au bistrot de Lyon 104-2. Bonsoir, tout le monde, bonsoir. Par contre, attendez, avant, qui c'est qui aurait raccroché qu'on m'a pas dit? C'était le docteur. C'est docteur Ampelfuck. Voilà. Ok, merci. Absolument pas. Ah, bah, il est encore là. Ah, il est encore là, on dirait. Non, il a raccroché. Non, il est là. Attends, on l'a entendu. Attendez, Patrick. On a Patrick. Ouais. Ouais. Pauline. Ouais. Attendez, je récapitule. Patrick. Oui. Pauline. Ouais. Phil Bornet. Ouais. Pascal. Ouais. Ah. Te fous pas de ma gueule, toi. Ah non, c'est pas le docteur. Non, je suis juste. Oui, non. Bah attends, il est là, attends. T'aurais pas picolé un peu, Pascal? Un petit peu, mais je suis au bistrot, là. Henri, attends, le bouge. Ah, bah il est là. Docteur. Le docteur est là. Oui, c'est là. Ah, bah attends, il est là. Bah oui, là. Ah, mais moi je comprends pas, j'ai que 4 lignes en air, hein. Mais si, Thomas. Non, mais enfin, c'est bon, on a fait avancer sur la ligne. Tu sais. Bon, on va enquiller, tant pis. A priori, le docteur est là. Bah oui, effectivement, il est là, donc on va peut-être enquiller, tant pis. Non, mais attends, on a 5 personnes? C'est ouf, ça. C'est bizarre. Bah non, c'est combien de papiers? T'as combien de papiers? 5 papiers. 5 papiers. Bah 5, et on a 5 auditeurs. Bah voilà. Non, d'habitude, on n'en a pas autant. Allô? Mais oui, mais le docteur m'a raccroché au nez, donc. Allô? Ah bon, alors donc, il est plus là. Non, mais c'est qui ça qui parle? Bah alors, c'est qui? Non, il est plus là. C'est qui, ça? Il est là. Allô. Quelqu'un doit l'imiter. Allô. Il y a quelqu'un qui doit l'imiter. C'est pas grave, Gérard. Vas-y. Ouais. Voilà. Alors, Gérard, peut-être. Gérard, est-ce que laissez par Gérard va peut-être poser une autre question. Non, voilà. Une question internet. Super une question. Ouais, mais enfin là, quelles sont les principales destinations pour les voyages cet été? Oh non, mais attends, on a parlé déjà des vacances à l'étranger. On va. Non. Les principales. Allez. Celles qui sont les plus représentatives de la population hermaphrodite. Ben, par exemple, Aphrodite, pourquoi Aphrodite? Non, Hermaphrodite. Herma. Non, mais par exemple, Ibiza. D'accord. C'est où? C'est bien, ça, c'est du côté de l'Espagne. D'accord. Et Ibiza. Saint-Tropez. C'est où ça? Ça, c'est du côté de, je sais plus où, Max. C'est quel pays? C'est quel pays? Ajaccio. Saint-Tropez, c'est quel pays déjà? J'en sais rien. Attends, mais c'est pas en Suisse? Non, c'est pas en Suisse. C'est où? J'en sais rien. Non, mais c'est limitrophe. Est-ce que c'est plus proche d'Andorre ou de la Perrotte? Non, c'est du côté de Marseille par là, et puis c'est tout. D'accord. Donc c'est pays, Marseille, voilà, pourquoi pas. Et puis il y a d'autres pays, voilà. Par Marseille, exemple, c'est un beau pays. Hein. Moi, par contre, là où j'aurais voulu aller, mais malheureusement, je peux pas y aller. Et c'est dommage pour moi. Est-ce que tu pourrais nous citer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les pays que tu préférerais visiter par rapport à la densité de population? Avec les fuseaux horaires. Voilà. Les adresses des ambassades. Ouais. Et les précipitations chaque année. Hein. Non, mais moi, de manière là où j'ai envie d'aller. Là où que j'ai envie d'aller et que je peux pas y aller, malheureusement, c'est d'aller voir le Mont-Saint-Michel. Voilà, terminé. Alors, quand il a envoyé ses vacances en colonie pendant les vacances, et ça sera la dernière question. Ah non. Si, j'ai dit. Repose là parce qu'on t'a très très mal entendu. Ouais. Faut-il envoyer ses enfants en colonie pendant les vacances? Est-ce que tu peux nous chanter? Alors là, vraiment, là, je veux. Ah, Patrick, la petite chanson, les mamans, les jolies. Hop, Patrick Bruel. Pauline, tu te tais, s'il te plaît, merci. Bon, vous répondez à la question, j'arrête. Allô, c'est Patrick. Ok, allez répondez. Écoute, si on n'est pas impuissant et qu'on a des enfants. C'est qui? C'est Patrick. C'est moi qui demande au fur et à mesure. Patrick. Ouais, donc si t'es pas impuissant, donc t'as des enfants, si t'as du revenu un petit peu, tu sais pas quoi en faire, tu peux éventuellement te débarrasser des gamins et les envoyer en colo. Mmh. Moi, je peux me permettre de suggérer la combine à tout le monde, c'est que tu les envoies chez les grands-parents. Ça te coûte rien et comme ça t'es tranquille. Ouais, ok. Et allez hop, circuler. Pascal. Des gamins, comme ça tu peux tousser pendant toutes les vacances tranquille. Pascal. Oh ouais, moi je te dirais que les enfants, ou tu les envoies en colonie de vacances, ou au pire, si t'en as ras-le-bol, tu les laisses sur le bord de la route. Alors Pascal, au revoir. Allez, pourquoi? Au revoir. C'est le professeur absolu, qu'est-ce que je peux parler? Non, c'est fini. Allô, Gilles Bornet. Allô. Ouais, alors moi, en fait, avant de parler d'envoyer qui que ce soit en colonie de vacances, il y a une chose que j'aimerais dire avant toute chose, c'est que j'aimerais beaucoup avoir un enfant de toi. Bravo, Phil. Et ensuite pour l'envoyer en vacances, avoir un enfant de toi. Gilles Bornet. Oui. Tu réponds à la question, je te dis au revoir. Ah bah écoute, la question est bien entendu que effectivement, ouais, un enfant, ça s'envoie en colonie de vacances. Mm-hmm. Éventuellement, éviter de faire lui faire faire du canoë avec l'abbé Cottard. Ouais. Au revoir. Allez, on va lui dire au revoir. Moi, je peux parler ou pas? Voilà, on lui a dit au revoir. Pauline. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Parce que ça les sociabilise. Et puis en même temps, ça te fout la paix. Ça coûte pas cher, parce que si tu te démerdes bien, t'as les allocs et puis t'as les bons vacances de la mairie. Mmh. Donc voilà, quoi, tu travailles pas de l'année, puis t'as de quoi envoyer tes mômes l'été, quoi, c'est cool. Non, mais moi, je pense que, personnellement, pour moi... On a tout faux. Pour moi, personnellement, moi, je peux vous dire une chose, que on va que dire... Eddie Mitchell, 104.2. Bonsoir, c'est Eddie Mitchell. Vas-y, retourne sur ton idée, il s'est présenté. Donc vas-y, tu disais. Non, mais attends, il va répondre à la question. Ah, mais... Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Non, on a un problème au standard, c'est que le docteur est là aussi. Bruno... Oh, là, là. Absolument, on si tu souhaites envoyer ton enfant en vacances, tape le 1. Voilà. Ouais. Si tu souhaites l'envoyer à la DAS, tape le 2. Merci, conclusion du débat. On a juste une question sur le net. Est-ce que les gens de ton enfant à la DAS, est-ce que les gens de ton statut social bénéficient de réductions sur les vacances? Est-ce que les gens de ton statut bassement social bénéficient davantage sur les départs en vacances? C'est-à-dire? Ou sur les retours de vacances. Ouais. Non, mais attends, je vois pas qui c'est qui pose cette question? Quelqu'un. C'est Oxidius. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que je comprends pas le Est-ce que de... les gens de ton statut bassement social bénéficient d'avantages sociaux par rapport à leur départ en vacances? Des avantages sociaux, c'est-à-dire... En monnaie, en argent, en euros. Peut-être, oui, parce que comme Pauline disait, donc il y a des bons, tout ça. Mais c'est vrai que bon... Il n'y a pas besoin de bon pour ça, pour nous, personnellement. Hein. Tu serais prêt à mettre jusqu'à combien pour partir à Bucarest? Ah non, ça, partir là-bas, je sais pas. Pourquoi, t'aimes pas l'Asie? Non. Ah non. Donc, alors, je réponds... C'est la Vernande. Nous allons bientôt prendre votre appel. Ah, c'est un messagerie, a priori. Allô, est-ce que je peux parler? Moi, je voudrais voir un DVD, là. Ah. En Gérard, Nous sommes actuellement fermés. D'accord, je les coupe. Bon, ça va. Voilà. Donc, alors, faut-il envoyer ses enfants en colonie pendant la vacance? Moi, personnellement, je dis que non, ça se fait pas. Parce que déjà, pour commencer, si vous avez des enfants, vous les emmenez avec vous. Vous les emmenez avec vous en vacances. Bon, les mettre en colonie, c'est vraiment con parce qu'ils partent 2 mois et puis vous êtes 2 mois tranquille, d'accord, ça vous débarrasse. Mais personnellement, pour moi, ça m'écœure. Parce qu'en fin de compte, les enfants ont le droit de partir avec vous en vacances et c'est tout. Si vous aimez les enfants, c'est comme les animaux. Vous les gardez. Donc, voilà. Donc tu compares les enfants aux animaux? Non, mais si t'as un enfant, c'est comme un animal, tu l'emmènes avec toi en vacances, d'accord. C'est pas la peine de le mettre en colonie. Ou tu lui mets avec des moniteurs. Et tu lui mets de l'aise, non? C'est tout, ça, c'est un truc qui m'écœure. C'est comme si que tu faisais garder, par exemple, ton chien ou ton chat par d'autres personnes. L'animal a le droit de partir avec toi en vacances. Et c'est tout. Mais est-ce que l'animal, justement, n'ayant pas de statut humain, est pas obligé, en quelque sorte, de ne pas partir en vacances, puisqu'il est constamment un peu comme les gens qui sont oisifs tout le temps, qui font de la radio, par exemple, d'être complètement fortuit vers un chemin qui les conduit à pas être en vacances, et être abandonné sur le coin de la route. Non, mais ça c'est un truc c'est une question sûrement sur le site internet qu'on vient exactement. Sur le net. Donc c'est vrai que le lapin mystère. Si tu souhaites abandonner ton chien. C'est bon, arrête. Au standard vous m'arrêtez ça parce que sinon je vais m'énerver. Ah non, mais on fait rien. Non, de la crème solaire autour du pourtour anal, tape le 5. Ah moi je veux le pourtour anal. On a une question de mégaton qui dit Gérard. Te pète sur ton nez, tape le 6. Allez, 6, banco. Bon, allez hop, je réponds plus aux questions. Est-ce que je pourrais poser ma question, juste pour vous dis de te faire appliquer de la crème solaire autour du pourtour anal. Conclusion du débat. Ah, voilà, j'ai merci, conclusion du débat. On va faire une petite conclusion, avec ce qui reste. Non, mais, non, tu me les éteins parce que je vais. J'ai été éteint, mais je suis encore là. D'accord, Gérard. Alors, vas-y. Donc, la question, c'était? La question était de te demander si est-ce que tu penses que, étant donné le statut humain de l'animal qui n'en a pas, est-ce que tu crois qu'il est légitime de pouvoir dire qu'il part en vacances alors qu'il est comme un statut oisif social de quelqu'un qui est animateur en radio et qui fout rien de l'année, par exemple? Ouais. Est-ce que lui-même peut être considéré comme vacancier? Ou vacancier éventuel? Ah non, c'était pas ça que tu m'avais posé comme non, question. Non, mais je te l'ai posé autrement parce que je vais parler bêtement parce que tu comprends comme un animal. Non, parce que ce qu'il y a, la question que tu m'avais posée, c'était de savoir s'il fallait abandonner son animal ou pas. C'est ça, en fin de compte. Ah, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, non, c'est bon. Ouais, excuse-moi. J'ai dit que je voulais pas les entendre. Ils sont en air pour. Ils sont en air. Ils sont pas en air, ils restent au standard. Donc, personnellement, les animaux, c'est comme un enfant. En fin de compte, si vous avez un animal et que vous partez en vacances, si c'est pour le laisser sur le bord de la route, pour moi, vous êtes des lâches. À l'enfant, on le laisse sur le bord de la route, l'enfant. Bah, il y en a, je peux te dire une chose, que l'année dernière, ils se sont pas aperçus, mais il y a des enfants que les parents ont fait le plein d'essence, l'enfant est parti et il est resté tout seul et puis les parents s'en sont aperçus que 100 kilomètres plus loin. D'accord. Et est-ce que le gamin en a profité pour payer l'essence? Non, mais c'est intéressant de savoir. Non, ce qu'il y a, non, c'est non. Que... Pedro. Quoi? Tu me les laisses Mais non, c'est moi qui ai toussé. Tu me les laisses C'est moi qui ai toussé. Donc, non, je suis pas d'accord. Donc, les animaux sont comme nous, ont besoin d'être avec nous et c'est tout. Je vois pas pourquoi qu'un animal, tu vas le laisser sur le bord de la route, comme il y en a chaque année qui font. Et chaque année, tu pourras regarder dans les journaux petit à petit. Mais chaque année, c'est pareil, t'as des animaux qui sont abandonnés. Si toi, par exemple, t'étais un chien, je sais pas n'importe quelle race, un sale bâtard, tu vois, un chien, comment tu réagissais si t'étais abandonné sur une route? Personnellement, je sais pas comment que je réagirais, mais ta question m'intéresse pas. Est-ce que tu gratterais les puces ou tu vois des conneries? Non, mais ça m'intéresse pas ta question. Donc, conclusion du débat, terminé, on arrête, 3h25, on a terminé. Combien qu'on est sur le net? Là, on est actuellement 28 791. Donc voilà, donc c'est la fin du débat. On termine. Mais le docteur Folgluck, t'as toujours pas parlé. On termine à 28 000. Donc, conclusion du débat, Pauline. Ah, pardon. Pauline. Tu as les moyens de faire sortir le bâtard derrière? Conclusion du débat. Ok, attends là, calmez-vous s'il vous plaît, répondez tranquillement à la question. Ouais, tranquillement. Moi, j'ai trouvé que ce débat qui clôt cette saison de débat de Gérard était aussi bordélique que la soirée qui a clos le loft hier soir. On se retrouve dans la piscine avec Félicien. Toi, t'as été pathétique, hein, je tiens à le dire. Je crois que c'était ton meilleur en manière de pathéticité. Et puis, bah, j'espère que t'as passé de bonnes vacances au foyer. Tu vas nous revenir tout bronzé, pas trop vous couper. Et puis voilà, passe le bonjour au futur papa, parce que j'ai appris que Sandy attendait une bonne nouvelle. Et je voulais d'ailleurs savoir si t'étais responsable de quelque chose là-dedans. Au revoir, merci, bonne nuit. Non, parce que si tu vas être papa, dis-le nous. Bonne nuit, bonne nuit. On peut cotiser pour y acheter des croquettes aux gamins. Bonne nuit. Il y a, un petit truc rigolo de Papo, je pense qu'on peut se permettre, même si ça se fout vraiment de ta gueule. Papo's, pour conclusion, en hommage à Turpentine, son débat, le débat de Gérard, donc t'as ni queue ni tête, comme lui, même s'il a une tête de queue. Eh ben, c'est bien, lui, il va se faire enculer. Mais c'est très bien. Mais il y a des Mitchell. Monsieur Bâtard. Merci, Eddie Mitchell, pour ta conclusion. Mais c'est cousin. Patrick. Ouais, Gérard, c'est Eddie Mitchell. Alors, je dirais que, bon débat. Je souhaite des bonnes vacances à toute l'équipe. Merci, toi aussi. Tous les auditeurs, monsieur Mazur, tout le monde. Et puis, la Berlande. J'espère que pourri. Au revoir, Patrick. Ouais, allô. Patrick Truel, bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était un bon débat. Bonne équipe, bonne réhab, bons auditeurs. Bon, merci. Toi, t'as été lamentable comme d'hab. Et mais bah, chacun, j'ai... Ah, c'est pas moi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce que t'as fait, Gérard? Ouais, moi j'ai vu le loft hier soir, donc il y avait Max, il a fait une teuf avec les potes des lofters là, dans le loft une fois qu'ils sont sortis. Est-ce qu'il va organiser une teuf avec tes deux potes dans ta chambre du foyer quand tu seras fait expulser, donc voilà. Bonne nuit. Moi j'ai une conclusion internet d'Oxidus qui dit Gérard, il est tellement crade que même ses pouilles ont des morpions. Ouais, c'est bien, la conclusion elle est bien. Bon, on termine à combien sur le net? On termine sur le net à 25 494. On a un petit peu baissé par rapport à tout à l'heure. 25 494, bon ça va. C'est quand même le record battu, mais t'as pas du tout atteint. C'est un score de braille un peu par rapport au score de 40 000 que tu t'étais fixé. Non, mais même, c'est pas grave. Donc, conclusion du débat, malheureusement... Très bon. Comme d'habitude, bordélique. Excellent. Magnifique. Enfin, les critiques se sont faites autour de toi, Gérard. Ouais, c'est surtout toi qu'on a critiqué. Vous, hein. C'est vous on l'équipe. On a dit que t'étais mauvais. Hein. Ouais. Non, mais c'est vous l'équipe. Limite à chier. C'est vous l'équipe qui avait foutu la merde. Donc, non, mais t'étais pas très bon ce soir. Tu peux l'admettre. Non. De toute manière, c'est vous qui avez foutu la merde. Vous avez joué au con. Donc. Ils se ressemblent, ça. C'est facile. Ouais, c'est facile. Donc, voilà, après, c'est on a pas de talent, c'est très bas. Même si t'es pas très grand, je trouve ça très bas. Bah, peut-être pour vous, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Depuis qu'il a une cravate. Donc protégez-vous pendant les vacances et puis revenez-nous en forme au mois de septembre. Et là, pour la nuit sans pub, c'est Lucinda. Lucinda, donc voilà, et on va s'écouter quoi pour finir? Oula, pardon, on va s'écouter un titre. Mr. Cousin, il y avait quelqu'un. Non, il n'y a plus personne. Trevor Jones, Mr. Cousin. Il n'y a plus personne, terminé, au revoir. Je étais le garde de corps de Lady Diana. Allez, Pedro, tu m'envoies le disque. Non, on continue, Gérard. Happy birthday to you, Mr. Cousin. Happy birthday to you, Mr. Cousin. Gérard est en train de se percer un kyste pendant que... Oh, tu perces le kyste, Gérard. Quand tu seras décident, oui. Monsieur Mazur. Mr. Cousin. Mr. Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur, à l'appareil. À l'année prochaine. Oui, c'est cela, avec grand plaisir. Où est Monsieur Gérard? Il est parti, à l'année prochaine, Monsieur Mazur.